pense qu'il est en train de faire cuire du bacon sur son piano, c'est dessus ça. Piano Litude avec Martin Lizotte. C'est vraiment bizarre comme fin de pièce. Il a échappé quelque chose, je pense. Tu penses que quoi? Je pense qu'il a commencé à nettoyer son piano. Ah, c'est sûrement ça. C'est le concierge le qui petit, arrive. Le petit jet d'eau, là. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va aller parler de deux petites filles de 6 et 9 ans qui sont des vedettes de YouTube et gagnent plus de 128 000 $ par mois. Hein, on est jaloux quand même. Moi, personnellement, je suis jaloux de ces petites filles-là. Hein. Comment ne pas l'être? Elles font ce qu'elles veulent et sont beaucoup plus riches que ce que je vais gagner en 5 ans. Donc, de nos jours, il n'est plus nécessaire d'avoir un diplôme universitaire pour faire un salaire dans les 6 chiffres. En effet, grâce à leur chaîne YouTube, Charlie, 6 ans, et Ashley, 9 ans, s'inscrivent dans la liste des enfants les plus célèbres de la toile. En 2012, les deux jeunes Australiennes ont lancé leur chaîne Charlie Crafty Kitchen, dédiée à la nourriture. Depuis, elles cumulent plus de 300 millions de visionnements de leurs vidéos en plus de gagner un salaire approximatif de 128 000 $ par mois. En 2015, elles ont été nominées au Kid Choice Award. Allez voir ça. Donc, elles font une émission de cuisine et gagnent 128 000 $ par mois. C'est juste ça. Je pourrais en parler longuement, mais ça serait peut-être négatif. Ben non, hein, faut se réjouir du bonheur des autres. Ben oui. En Australie, le premier ministre provoque des remous en descendant une bière d'un 13. Il a calé ça, lui-là. Là. Le premier ministre australien Tony Abbott, coutumier des gaffes et des déclarations à l'emporte-pièce, a provoqué une nouvelle polémique ce week-end sur les réseaux sociaux en descendant une bière d'un trait dans un bar à Sydney. Donc, dans une vidéo largement diffusée sur Internet, on voit le dirigeant de droite boire une Victoria Bitter en 6 secondes sous les encouragements de nombreuses personnes qui répétaient Q sec. Selon Simone Carodus, entraîneur de l'équipe de football australien de l'Université de technologie de Sydney, les joueurs se réunissaient dans un pub de l'Est de Sydney quand ils se sont avisés de la présence du premier ministre. Je suis allé voir Tony et je lui ai dit « Voulez-vous venir partager une bière avec les meilleurs joueurs ?» C'est ce qu'il a raconté à un hebdomadaire féminin. Il a dit « Absolument, pas de problème, j'arrive ». Abbott a alors évoqué le souvenir de l'un de ses prédécesseurs, le travailliste Bob Hawke, qui était... qui était genre sûrement président, premier ministre, pardon, pas président, mais premier ministre de l'Australie de 83 à 1991, buveur notoire qui revendiquait le titre de champion du monde de la consommation du Yard Glass, une bière d'environ 1,7 litre dans un temps record de 11 secondes. Le verre avalé par M. Abbott contenait un peu moins d'un demi-litre de bière, donc une pinte. Le premier ministre, qui en janvier dénonçait les méfaits de l'alcool chez les jeunes, s'était attiré les colibets pendant la campagne de législative de 2010 en commandant un panaché de bière et de limonade. Cette fois, eh bien, certains internautes l'accusent d'avoir voulu récupérer un peu de capital de sympathie auprès des Australiens en offrant le visage d'un homme accessible aux habitudes ordinaires. Quand Tony Abbott est si bas dans les sondages qu'il ingurgite une bière pour essayer de se faire aimer, raillait un utilisateur de Twitter, tandis que l'autre le défendait, il y a des choses plus importantes. Hein? Ah, moi, j'aime bien le commentaire ici. Il y a quelqu'un en bas de l'article qui nous dit « Ben, il n'y a rien là. Couillard, lui, a descendu le Québec en 6 semaines. » Hein? Pensez secondes. Vraiment très bien. Restons dans le domaine de nos dirigeants. Eh bien, c'est Denis Coderre qui marie un couple dans une brasserie de Montréal. À la surprise générale, c'est le maire Denis Coderre qui lui a lui-même appelé à célébrer les noces de Denise Mérineau et de Marc-André Gauvreau. Pouf! Je sais pas c'est qui, mais quand même, eux, ils connaissaient sûrement le maire Denis Coderre. La cérémonie a lieu juste avant la deuxième partie de la série entre le Canadien et les Sénateurs. C'est bien beau l'amour, mais j'ai une partie de hockey à d'abord lancer Denis Coderre devant les amis du couple qui ont filmé la scène pour la postérité. La présence du maire n'était d'ailleurs pas la seule surprise de la soirée, croyant que ses amis et partenaires s'étaient déplacés pour souligner l'ouverture de leur troisième brasserie des Brasseurs de Montréal. Marc-André Gauvreau n'avait aucune idée de ce que son épouse et partenaire d'affaires lui concordaient. concoctait. Avec la complicité de leur invité réuni dans l'établissement de la rue Berry, Denise Mirino a profité de l'occasion pour lui faire la grande demande quelques secondes à peine avant l'entrée en scène de M. Coderre. M. Gauvreau avait tout intérêt à répondre « Oui, je le veux ». Et Marc-André, c'est vrai que tu es une personne extraordinaire, tu es la plus belle personne que je connaisse, c'est pour ça que je t'aime et c'est pour ça que j'aimerais passer le reste de mes jours avec toi. Marc-André, est-ce que tu veux m'épouser? Hein, c'est beau, c'est bien ça. De plus en plus, les femmes demandent. Hein, pourquoi faudrait que ce soit les hommes qui demandent ça? C'est une bonne idée, une bonne nouvelle. Une autre corde à son arc, certaines personnes l'ignorent, mais les maires et les conseillers municipaux ont l'autorité pour célébrer officiellement des mariages civils. Ça a l'air que je peux marier, enchaîner le maire sous les applaudissements de la foule. Vous le savez donc maintenant, l'omnimaire Denis Coderre est disponible pour l'événement de votre vie, même un soir de match. Ben oui. Sinon, ici, un enfant de 7 ans a écrit à George Lucas et il reçoit une réponse touchante. C'est un petit garçon de 7 ans, prénommé Colin, qui a écrit au célèbre réalisateur de la saga Star Wars. Celui-ci ne s'attendait pas à recevoir une réponse de l'équipe de Lucasfilm. En effet, Colin se questionnait sur le fait que les Jedi ne puissent pas se marier car cela pouvait les faire passer du côté obscur de la Force. On se rappelle des premiers épisodes là avec... Padmé et le petit Anakin qui deviendra justement Darth Vader. On l'apprend qu'il ne peut pas se marier. C'est ça qui est le drame de sa vie. Et c'est pas de se marier, je pense, qu'il l'envoie du côté obscur de la Force. C'est justement de pas de pouvoir se marier avec Padmé. C'est ça qui le rend plutôt agressif. Hein? Dans sa lettre, l'enfant demande à George Lucas de changer la règle concernant les mariages des Jedi, car il souhaiterait se marier un jour. Il demande également au réalisateur s'il pourrait visiter le ranch de la famille Skywalker. En guise de réponse, Colin a reçu une enveloppe remplie de divers objets reliés à la saga de films, en plus d'une lettre de l'équipe de Lucasfilm. Vraiment, waouh, il a reçu plein de trucs. C'est posté avec l'article. Dans la réponse, on pouvait lire que être un Jedi était intimement lié à certaines valeurs très importantes comme l'amitié, la compassion et la loyauté. Ces mêmes valeurs se retrouvent également dans l'union du mariage. Finalement, Colin a été ravi d'apprendre que les Jedi pouvaient se marier finalement. Ah, mais c'est quelque chose qu'on n'était pas supposé de savoir, hein? C'était pas supposé, mais en tout cas, il y a un petit gars qui vient de faire changer la règle des Jedi. Sinon, ici, la photo d'une blogueuse taille plus en maillot de bain devient virale. Eh bien oui, la photo d'une blogueuse taille plus est devenue virale lorsque l'Américaine de 35 ans a répondu aux internautes qui la trouvaient très courageuse d'oser se photographier en maillot de bain sans pareo. Donc, Jessica Kane, la rédactrice à la tête du site The Life and Style of Jessica, savait que les gens allaient commenter lorsqu'elle allait partager ses quelques clichés croqués sur la plage de Santa Monica pour son anniversaire. Elle ne s'attendait toutefois pas à ce que les gens la trouvent aussi brave de s'exposer en maillot de bain sans camoufler ses rondeurs. En réponse donc aux gens qui soulignaient son audace, la femme de 310 livres a publié un message sur sa page Facebook et je la cite « Ceci n'est pas une preuve de courage. Une famille qui doit faire face à une maladie tragique, une mère qui essaye de combattre une dépendance, une personne qui tente d'échapper à la violence domestique, un individu qui a des pensées suicidaires et qui cherche l'aide même s'il n'arrive plus à supporter la vie, ça c'est du courage. Rien à voir avec le fait de porter un maillot sur une plage. » Depuis, le message de Jessica est devenu viral et plus de 19 millions de personnes ont partager sa réponse. Tous les jours, la blogueuse se donne la mission de promouvoir la diversité corporelle. Bonne nouvelle et tant mieux, on en a besoin. Et finalement, restons donc dans la beauté, justement. Eh bien, c'est les vertus de la beauté, les vertus des peaux de banane sur notre peau, donc sur notre beauté. Semble-t-il que nous savions déjà que les bananes étaient des alliés pour notre routine beauté. Figurez-vous que les pleures de bananes aussi, la peau de banane est pleine de vitamines et de minéraux comme la vitamine B6, la vitamine C, le potassium, le magnésium. En plus, les bananes sont un des moins chers du marché. Et puis, on avait appris un truc, hein? Pour régénérer le cuir de nos souliers, eh bien, l'intérieur d'une peau de banane qu'on frotte, hein, qu'on s'en sert un peu comme un vernis ou comme une cire sur les souliers de cuir. Fait que si ça régénère le cuir des souliers, ça doit régénérer notre cuir de face. En tout cas, ça doit aider. On y va tout de suite. Donc, les vitamines et les minéraux présents dans les peaux de banane enlèvent facilement les taches sur les dents. Pour cela, frottez sur vos... attends un peu. Pour cela, frottez sur vos blancs nacrés une peau mûre et laissez-les agir pendant 10 minutes. Ensuite, utilisez une brosse à dents sèche pour frotter le tout, une opération à répéter régulièrement pour un meilleur résultat. Donc, la peau de banane, l'intérieur de peau de banane pour blanchir les dents. Les pelures de banane peuvent aussi être utilisées comme un traitement contre l'acné et les taches sur votre peau. Frottez l'intérieur de la banane sur la zone touchée pendant quelques minutes et rincez. Répétez cela 3 fois par jour. Les pelures de banane aussi protègent les yeux contre les rayons UV nocifs. Elles réduisent aussi le risque de cataracte. Nous vous recommandons tout de même l'utilisation de lunettes de soleil pour une protection plus optimale. Sinon, pour réduire l'apparence de rides et de ridules, frottez l'intérieur de la peau des peaux de banane sur des zones ciblées et laissez agir 30 minutes avant de rincer. Vous pouvez aussi laisser les résidus de banane agir toute la nuit si vous le faites avant de vous coucher. Hein, vous allez vous coucher les yeux qui sentent banane, mais c'est bon pour vos rides. Ben, en tout cas, pour qu'il y en ait moins. Hein. La pelure de banane est aussi un hydratant efficace. Écrasez-la et appliquez-la sur votre peau. Laissez agir de 15 à 20 minutes avant de rincer. Donc, il faut laisser agir. Hein? Le potassium présent dans les bananes et leurs pelures aide aussi à lutter contre les yeux bouffis, hein, et les poches sous les yeux puisqu'il contrecarre votre consommation de sel. Alors, on va avoir moins de poches si on se frotte avec de la pelure de banane d'en face. Et en bonus, les pelures de banane font aussi un miracle lors du nettoyage de vos chaussures en cuir et même vos bijoux en argent, comme j'avais dit tantôt. C'est-tu pas merveilleux tout ça? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Tu viens de parler de réponses à des choses, on ne sait pas, tu sais, de connaître des affaires. De... On va-tu avoir des réponses à quelque chose? Peut-être, mais des affaires un petit peu plus sérieuses, parce qu'on amène Sébastien F. Gartin et sa chronique éditoriale. Bonjour Sébastien F. Gartin. Bonjour une deuxième fois. Officiellement dans ce cas-ci, bien sûr. Donc tu nous viens du Zone Campus, là où tu te couches toujours en page 5. Je couche l'actualité en page 5. Sur papier, exactement. C'est juste pour pas créer d'attente au lecteur. Si vous ouvrez en page 5, vous n'allez pas avoir moi couché dans votre, dans votre journal, juste que ça soit clair. On a toujours demandé quand il y aura un centerfold au Zone Campus. Non, c'est ça. On vous fera pas ça. Non. Je vous ferai pas ça. J'entends dire à travers les branches, parce que le numéro sort aujourd'hui, mardi, que tu nous prépares un petit au revoir au président de l'OGE. Est-ce que tu nous parles de ça dans ta chronique aujourd'hui? En fait, oui, puis même dans l'émission aujourd'hui, les gens qui prennent la peine de se lever pour m'écouter le matin à cette heure-là vont avoir un bonus que les gens qui font juste lire le journal n'auront pas. Les losers qu'on appelle. Hein? Une explication de pourquoi est-ce que c'est ça le titre. Parce que ce qui arrive, c'est qu'en fait, c'était un peu... ceux qui vont lire le journal, le titre de ma chronique, de mon éditorial, c'est « Lettre d'adieu à Mathieu Roy ». Et je ne parle aucunement de Mathieu Roy ou de la présidence de l'OGE ou de quoi que ce soit dans ma chronique. Génial! Donc, la blague, c'est que je parlais avec Mathieu Roy, qu'on se côtoie fréquemment, moi puis lui. Puis il me dit en farce, pour ceux qui le connaissent, c'est exactement son genre de mot. Il dit, fait que là, ta dernière chronique, ça va être un hommage à Mathieu Roy, à ma présidence et à mon règne à l'OGE. On dit souvent le règne de Mathieu Roy, parce que quand il y a le président, son nom de famille, c'est Roy. Il y a c'est des trucs faciles, mettons. Ouais, la monarchie, tu sais. Ouais, c'est ça. Il est le premier à faire des blagues là-dessus. S'il s'appelait Archie, c'est encore plus une monarchie, mais là, après, c'est un roi. Archie-Roy. Ouais. Archie-Roy. Archibald de Roy. Ça fait à peine prétentieux. Il est plus roi que le roi. En tout cas, bref. Fait que non, c'est ça. Fait que pour le narguer un peu, j'ai décidé d'un petit peu. J'ai toujours de la misère à trouver des titres à mes chroniques. Fait que j'ai décidé qu'un pour le narguer un peu, je vais faire lettre d'hommage à Mathieu Roy. Je parle pas du tout de lui dans la chronique. Poisson d'avril. Poisson d'avril, ouais. Donc, ben, ça veut dire que tu ne parleras pas de Mathieu Roy dans ta chronique à la radio. Effectivement. Ce que je vais parler, en fait, puis c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup dans l'air du temps. Je me suis... vous allez avoir des réponses tantôt, puis ouais. Tout. Puis j'ai été j'ai fait énormément de formations professionnelles dans cette chronique-là, c'est-à-dire que j'ai vraiment mis mon chapeau de gars en philo plutôt que mon chapeau de ancien impliqué à l'OGE qui chiale sur ce que les jeunes font. Mais dans le fond, ce que je fais, c'est que dans cette chronique-là, je parle de c'est quoi un étudiant. C'est souvent quelque chose que je discute un peu, tu sais, quand t'es aux études, t'es supposé d'avoir une pensée critique, puis ainsi de suite, puis tu sais, t'es supposé de à être à l'université, c'est apprendre à être un peu un meilleur citoyen aussi, puis ainsi de suite. Puis bon, je fais souvent allusion à ça, puis là, je me suis dit, quand je vais vraiment faire une genre de réflexion sur c'est quoi un étudiant. Puis c'est sûr que c'était un peu dans le contexte aussi avec les grèves qu'il y a eu cette session aussi. Puis que, comme en 2012, les grévistes se sont fait dire, ben vous êtes des étudiants, vous n'êtes pas des travailleurs, vous ne pouvez pas être en grève, parce qu'une grève, c'est juste des travailleurs. Les étudiants, c'est-tu vraiment pas des travailleurs? C'est-tu vraiment juste des consommateurs? Parce que là, ce qu'on se faisait dire, c'est que les étudiants peuvent pas faire de grève, mais peuvent faire un boycott. Un boycott, c'est un consommateur qui refuse d'acheter un produit. Donc, tu refuserais d'acheter le produit universitaire. C'est ça. En fait, pire que ça, c'est que tu refuserais de consommer le produit pour lequel tu as payé, c'est-à-dire que tu refuses d'aller à tes cours pour lesquels tu as déjà payé tes frais de scolarité. Qu'en est-il vraiment? Ça, c'est comme la phrase de fin d'introduction dans n'importe quel texte. Dans une amorce, en philo, qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Qu'en est-il vraiment? Donc, premièrement, c'est. Moi, je pense foncièrement qu'un étudiant, c'est pas simplement un travailleur. Pas simplement un travailleur, ça je vais y venir plus tard. C'est plutôt pas simplement un consommateur. La raison étant que quand que tu consommes quelque chose, dans le fond, t'achètes un bien, t'achètes un muffin à l'épicerie, mettons, ben ça te profite à toi. Ouais. Genre, c'est toi qui manges ton muffin. À la limite, tu le donnes à ta blonde ou à tes enfants. Ou peu, mais tu sais, on s'entend, là, c'est très, très restreint le monde qui en profite. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais OK, c'est pas tout à fait comme un client, c'est comme plutôt un bénéficiaire d'un service gouvernemental. Là en encore, retour de quelque chose comme un montant financier. Là. C'est ça. T'sais. Là encore, quand tu vas à l'urgence, t'es tout seul à en profiter. Je veux dire, tu t'es fait mal, tu veux plus avoir mal, tu vas à l'urgence. Si t'es chanceux et que c'est curable, t'auras plus mal en sortant de là. Ouais. C'est toi le pire si tu t'en vas avant d'avoir eu ton service. Exactement. Il y a juste toi qui a été affecté par ça. Or, quand t'es aux études, quand t'es un étudiant, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que t'es pas là en train de juste comme recevoir de la connaissance que t'es le seul qui va en profiter. Puis c'est pas juste toi qui va en profiter, c'est un peu ça que je veux amener. C'est bon, OK, quand t'es aux études, bon, le fait d'étudier, premièrement, tu ramasses un paquet de connaissances. T'apprends des techniques de différentes choses, dépendant dans quel domaine t'étudies, ainsi de suite. Puis tu t'attends à avoir un meilleur salaire à cause de ça. Je veux dire, il y a un paquet d'études qui disent que plus que tu étudies, plus que tu as de chances d'avoir un meilleur salaire après, puis des meilleures conditions de travail, ainsi de suite. Bon, fait que là, ça, c'est le but, tout ce que ça te profite à toi. Mais c'est parce que ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que ça profite à tout le monde aussi. Mettons un étudiant en médecine, c'est assez évident pourquoi est-ce que ça profite à tout le monde. Oui, ben oui. On s'entend, là. Mm. S'il n'y a plus personne qui étudie en médecine, à maintenant, on va être un petit peu batté. Ça en prend des médecins pour que la société fonctionne, comme ça en prend des infirmières, comme ça en prend n'importe quoi qui est formé à l'université. Là, la réponse qu'on va me faire, c'est « Ouais, mais on sait bien, ce monde-là, les gens qui sont utiles à la société, eux autres sont pas en grève. » Premièrement, ça, c'est pas vrai. Parce que quand il y a eu du brasse camarade un peu, puis tout à l'UQAM, là, ben pendant ce temps-là, mettons comme la grosse manifestation qu'il y a eu, tous les doctorants en médecine du Québec étaient en grève à ce moment-là. Okay. Pour cette manifestation-là. Fait, je m'excuse, mais des médecins aussi, ça grève des fois. Moi, ça doit pas arriver souvent. Ben, en 2012, ils ont été pas mal tout en grève, pas mal tout le temps. En fait, à l'UQTR, je sais pas si vous savez, on a une espèce de twist administratif pour avoir un doc en médecine sans en avoir un. Là. C'est-à-dire que l'UDM considère comme loue des locaux à l'UQTR. Ouais, ils donnent des cours ici. Ouais, c'est comme un genre de programme off-campus de l'UDM. Ça paraît pas visuel, mais ben, en fait, c'est que la très grande majorité de leurs cours, à part pendant leur première année, là, le fameux pré-med, là, que c'est juste du théorique. Là. Dans le fond, c'est un bac en biomède en accéléré. À part cette année-là, ils ont un pavillon à l'hôpital, en fait, de toute façon. Fait on les voit pas vraiment sur le campus, mais comme tel, ils ont affaire sur le campus un peu quand même. Ils ont affaire avec certaines structures administratives de l'UQTR. Mmh. Puis, ben, en 2012, c'était les premiers à tomber en grève sur le campus. Ah. Fait que, en tout cas. Je dis ça de même. Les deuxièmes, c'était génie. Je dis ça de même, mais en tout cas. Donc, c'est ça. Puis plus que ça, on a tendance à être très, très pragmatique au Québec et à juste considérer comme utile ce qui est utile directement, des médecins, des ingénieurs. On sait ce que ça fait. Puis là, je vais faire un petit plaidoyer pour ma gang. En gars de sciences humaines, c'est pas vrai que les sciences humaines, ça sert à rien dans la société. C'est juste qu'on a... C'est juste qu'il faut leur laisser la place à un moment donné de le faire. Mais tu sais, je vais donner un gros exemple qui est un petit peu controversé quand même, mais en tout cas, la commission... Tu fais jamais ça. De la moi, jamais. Tu sais, voyons donc. Je défends jamais des opinions impopulaires. Ben, moi, jamais, ça m'arrive pas. La commission Bouchard-Taylor. Là, vous allez me dire encore, il y a plein de monde qui sont pas d'accord avec, mais allez vers l'intention, à la place d'arriver avec les conclusions si vous n'êtes pas d'accord avec, allez plutôt vers l'intention derrière ça. L'idée de la commission Bouchard-Taylor, c'est qu'on avait comme un genre de problème de société là, à ce moment-là. Là, on ne savait plus trop quoi faire avec les immigrants, l'intégration, tout ça. Fait qu'on a fait une commission politique qui s'est intéressée à poser des questions à tout le monde au Québec, qui a fait un énorme travail dans le but de arriver à des conclusions de qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça. On va en rester là, si qu'on soit d'accord ou non avec leur conclusion. Moi, personnellement, je suis en admiration devant Gérard Bouchard, entre autres. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais c'est ça. C'est des gens de sciences humaines qui ont fait ça. Tu n'aurais pas pu installer un ingénieur à la place de Charles Taylor. C'est une job de philosophe slash de sociologue. Ouais. Donc, c'est à ça que ça sert, des gens de sciences humaines. Malheureusement, au Québec, on a une culture de pas tellement laisser de place à ça. Généralement, étudier en sciences humaines équivaut pas mal à enseigner les sciences humaines au cégep ou à l'université. C'est malheureux, mais ça contribue quand même. Puis d'ailleurs, je vais même donner un exemple très, très personnel. Moi, personnellement, j'étudie en philo pour aller enseigner au cégep. Je pense que les cours de philo au cégep, ça fait partie de la formation importante à avoir pour pas mal tout le monde, en fait. Mmh. Parce que c'est la formation à l'esprit critique puis à l'argumentation. Moi, j'ai adoré mes cours de philo au cégep, contrairement à beaucoup de gens. j'ai trouvé ça fascinant, mais je pense que le prof, souvent, en est pour quelque chose. Fait que pour moi, c'était quelque chose de très enrichissant. Puis, tu sais, tu parles de l'utilité dans la société. On parle souvent de pelleteux de nuages, là, quand on parle des arts, de la littérature, philosophie, ces trucs-là. Et j'avais lu dans un pavillon des arts, je crois que c'était à l'Université Laval. Je suis pas certaine à 100%. Je sais que c'était à Québec, mais je sais pas si c'était vraiment à l'université. Et c'était écrit, s'il y avait personne pour pelleter des nuages, ben, il ferait jamais soleil. J'avais trouvé ça vraiment cool. Non, je trouvais que c'est une belle façon de le représenter. Ben, si je peux donner un autre exemple un peu de ce genre de mentalité-là. C'est Sir Winston Churchill, premier ministre de la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, il s'est fait. Il y a un ministre qui est arrivé et qui a dit bon, il faudrait qu'on coupe le budget des arts, des beaux-arts en Angleterre pour l'effort de guerre, tu sais. Puis il dit si on coupe les beaux-arts, tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on se bat? Ah! C'est beau! Fait que. Ça donc... Ouais, c'est ça. Toi, t'as étudié en littérature, hein, Steph, je pense. Hein? Littérature linguistique et branche comme ça. Fait que toi aussi, tu t'es fait. T'as eu ton lot de. T'es une pelleteuse. En or et lettres au cégep, là, tu te sens pelleteux. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, c'est ça pareil. C'est un impact un peu plus indirect sur la société, mais je pense que c'est quand même nécessaire à la. Je vais utiliser un terme d'un philosophe que j'aime bien, Habermas, c'est la reproduction culturelle de la société. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de culture, ben la société existe comme plus en quelque part, on est juste comme un troupeau de gens. Fait que c'est un peu, ça fait partie de ça. C'est pour ça que les arts, c'est encore important. Puis que il faut quand même que ça ait une place. Là. C'est sûr que s'il y a du monde qui mange pas, ben, bref. C'est un autre débat. Peinture-toi un panier de fruits. Ah. Ouais, ça va peut-être plus te donner faim que d'autres choses, là, mais en tout cas. Non, ça nourrit ton esprit. Ouais, c'est ça, ça nourrit ton esprit. Mais c'est ça. Bref, j'ai complètement perdu ce que je m'en allais encore. Ça arrive. C'est tard le matin. Donc, bref, en tout cas, je vais revenir sur ce qu'on disait, c'est ça. Donc, quand on étudie, on fournit aussi à la société. Puis c'est ça, c'est là que c'était un économiste que j'avais vu dans une c'était dans une conférence d'un syndicat en 2012. C'est plate, j'ai pas retenu son nom. Mais lui, en fait, c'est ça ce qu'il défendait comme thèse, c'est qu'il disait qu'en fait, l'éducation que tu reçois, c'est pas un bien individuel, donc c'est pas comme un muffin. C'est pas un bien qui te sert juste à toi, c'est un bien collectif. Mmh. Un peu comme de la même manière qu'une autoroute ou un hôpital. C'est un bien qui profite à la collectivité au complet, peu importe dans quoi tu étudies. Une autre raison à ça, c'est que c'est pas juste directement par rapport à ce dans quoi tu étudies et la job que tu vas faire après, mais c'est aussi par rapport au fait qu'une société, qu'il y a un paquet d'études là encore qui démontrent qu'une société plus cultivée, donc qu'il y a plus de gens qui ont fait des études supérieures, donc cégep, université, ainsi de suite, Ben, c'est une société qui, en fait, les services sociaux, même dans le cas d'une, services sociaux là, pour un État-providence comparable, là, c'est-à-dire avec des services sociaux équivalents, la société qui est plus éduquée va avoir tendance à ce que les services sociaux coûtent moins cher. Ah. C'est-à-dire que les gens plus éduqués ont tendance à moins être mal, avoir des maladies chroniques, moins... c'est ça, être généralement plus en santé, faire des choix de santé meilleurs, donc le système de santé coûte moins cher à la base. Puis aussi, côté services sociaux, DPJ, puis ainsi de suite, apparemment qu'il y aurait un lien là aussi. Ça, je trouve ça déjà un peu plus discutable, mais ça reste que les gens plus éduqués ont tendance à être plus critiques par rapport à l'information qu'ils reçoivent, donc à faire des meilleurs choix de vie, mettons. Donc ça, c'est une autre affaire. Puis bon, ben ainsi de suite, c'est sûr qu'ils sont portés à avoir des meilleurs salaires, donc à consommer plus, à payer plus d'impôts, ainsi de suite. Fait que ça, tu sais, c'est vraiment tout le monde qui en profite, dans le fond. Là, est-ce que ça veut dire que la grève en soi, c'est un moyen de pression efficace? On s'entend qu'entre le fait de ne pas te pointer à ton cours cette journée-là collectivement, là, genre mettons que tout le monde respecte la grève, puis le fait de créer un rapport de force avec ça, sa société, par rapport au fait que tu vas pas avoir ta bonne job par après qui va faire que tu vas moins coûter cher à la société puis que tu vas fournir plus à la société, puis ainsi de suite. On s'entend qu'il y a un lien de cause à effet qui est assez sur le long terme. Donc, la grève pour la grève, je trouve ça un peu discutable, effectivement. Puis là encore, je veux pas faire le procès de ça non plus parce que ça mériterait 3-4 éditoriaux rien que pour ça. Et malheureusement, il y en a plus d'autres. C'est ça. Que... Ah, peut-être l'année prochaine. Ah ben ça, on sait pas. Il y a 4 mois devant toi pour y passer. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. L'autre chose aussi, c'est que, bon, là, il y a tout le temps la réponse de oui, OK, c'est vrai. T'sais, les gens pourraient effectivement m'admettre ce que je viens de dire là. C'est vrai, OK, c'est pas tout à fait des bénéficiaires, les étudiants, c'est pas tout à fait des clients non plus. Mais c'est pas des travailleurs non plus. Non, c'est vrai que c'est pas des travailleurs. Quoique, quand tu es un étudiant au cycle supérieur, puis que tu te dis, bon, toi, tu travailles pendant plusieurs années sur un mémoire ou sur une thèse de doctorat, puis qu'après ça, l'université garde les droits de ton mémoire slash ta thèse de doctorat, peut le publier. Puis effectivement, là exactement les droits de copie par rapport à ça. Je sais pas exactement comment que ça fonctionne. Mais je sais que c'est quand même l'université qui fait de l'argent avec ça à base. Je pense qu'ils doivent t'en remettre un peu quand même s'ils font de l'argent avec. Là. Mais tu sais, bref, si l'université, tu sais, mettons tes recherches, l'université, c'est elle qui dépose des brevets dessus, puis ainsi de suite. Donc, on fournit quand même un petit peu en quelque part. On est quand même un petit peu de la main-d'œuvre de l'université jusqu'à un certain point. Là, c'est sûr que les cycles supérieurs, c'est vraiment pas l'ensemble des super maîtrises doctorats, puis post-doctorat, puis ainsi de suite. On s'entend que c'est vraiment pas la majorité des étudiants à l'université, surtout dans les universités comme l'UQTR, parce que, veux, veux pas, on est une université publique, donc c'est pas nécessairement l'université que le monde va le plus être porté à aller s'ils veulent faire vraiment une carrière académique. Mettons, au-delà de la maîtrise, là, parce que souvent, à cette heure, même pour les jobs précises, comme mettons, comme je disais, moi, je vais enseigner au cégep, ça prend une maîtrise à cette heure, mais bon. Mes collègues qui veulent peut-être aller au doctorat vont pas nécessairement le faire à l'UQTR non plus. Parce que de toute façon, c'est mal vu de faire son doctorat dans la même université que t'as fait ton bac puis ta maîtrise. Ah oui, ça, c'est une autre affaire. Je sais pas ça. Ouais, parce que en fait, c'est que l'idée derrière ça, c'est que bon, on sait que t'es capable de fonctionner dans la culture de cette université-là, dans le cadre de cette université-là, mais qu'en est-il des autres universités? C'est plus dur de se trouver de la job après. Okay. Parce que là, ils sont comme ouais, mais là, tu sais, on marche pas comme à l'UQTR, mettons. Fait qu'on sait pas, cette personne-là va-tu être capable de s'adapter ici ou bon. Fait que souvent, c'est relativement mal vu. Ça, pour en venir à ce que les étudiants ne sont pas des travailleurs, mais il y a quand même certaines ressemblances jusqu'à un certain point. Comme je disais, par exemple, s'il n'y a plus aucun étudiant qui se présente à l'université, par exemple, ben les cours ne se donnent pas. En quelque part, l'université est comme paralysée jusqu'à un certain point. On s'entend que c'est pas comme le... C'est pas exactement la même chose que quand des travailleurs empêchent l'usine de fonctionner, là, on s'entend. Là. C'est pas, y a pas de dirigeant qui recevra pas de l'argent à la fin de la journée à cause de ça. Mais tu veux pas, ça fait du trouble. Ouais. Donc, non, on n'est pas des travailleurs, mais il y a quand même un petit quelque chose de semblant. Moi, ce que je veux en venir avec ça, c'est qu'en fait, dans l'actualité présentement, surtout chez les chroniqueurs, justement, puis particulièrement les chroniqueurs de droite, Jean Martineau, pour pas le nommer, mais d'autres aussi, là. Ouais. Mais c'est souvent, tu sais, souvent ce qu'on entend, c'est un discours assez paternaliste. Dehors, c'est bien les étudiants, tu sais, retournez dans vos cours, faites vos cours, vous êtes niaiseux de toute façon, empêchez pas les autres de recevoir les services pour lesquels ils ont payé, puis ainsi de suite. Puis c'est plus compliqué que ça, tu sais. On n'est pas juste des bénéficiaires. C'est un peu là ce que je veux en venir. Puis même, je pense à certaines assos étudiantes, que là encore, je n'aimerais pas lasser, qui... qui ce font matin. Vraiment comme... Ben là, c'est ma dernière année, oui, là, en tout cas, avant l'été. Là, fait que je m'en permets un peu plus. Ouais, vas-y. Mais tu sais, qui vont... Puis ils vont jamais le dire directement, mais tu le sens un peu dans leur discours, juste le nom de l'association. Tu sais, l'AC, ouais, c'est un acronyme pour Association pour une solidarité syndicale étudiante. T'sais. Ils ont trouvé le syndicat. Nom en premier, là, aussi. Ouais, probablement. On s'entend, là, mais la plupart des acronymes dans le mouvement étudiant, quand l'acronyme est un peu fancy d'habitude, ouais. C'est ça qui est arrivé. Là. On avait amené, il y avait eu un projet de créer une espèce d'assaut régional à l'UQTR, à l'AGE-UQTR. Puis l'acronyme, je me rappelle plus du tout c'était quoi que ça se posait de vouloir dire. L'acronyme, c'était la meute. La meute. Hey, c'est violent, c'est ça. Le mouvement des étudiants universitaires, en tout cas. Le reste, je me rappelle pas, lui, mais... En tout cas, il l'avait trouvé avant. Mais bref, c'est ça, tu sais, dans AC, il y a solidarité syndicale. Ouais, syndicale, ouais. Bon, là, ce que ça dit, ouais. C'est qu'ils se voient un peu comme l'égal des syndicats comme la FTQ ou la CSN. Mm-hmm. Je trouve ça un peu discutable. Mais, tu sais, puis c'est de la même manière, je veux dire, le moyen de pression, c'est des moyens de pression typiquement mouvement de travailleurs. Mm-hmm. La grève comme moyen de pression. Moi, ce que je vais défendre en général, moi, c'est dans le mouvement étudiant, c'est des grèves ponctuelles de la grève comme un moyen de d'autres choses, ouais. Mettons. C'est comme un moyen ponctuel d'aller à une grosse manif nationale, par exemple. Des choses comme ça. De toute façon, l'UQTR n'est pas l'UQAM. Je veux dire, le mouvement militant à l'UQTR n'est pas le même. Fait que c'est pour ça que j'essaie de ne pas parler de grève, mais on revient tout le temps un peu à ça. C'est un peu l'origine date, de pourquoi. Pas, c'est ça, c'est un peu l'origine de ce questionnement-là, à la base. Là. S'il n'y avait pas eu de mouvement de grève cette année, on n'aurait pas parlé de ça, probablement. Quoique, moi, je trouve que c'est une question intéressante, en fait, là, mais c'est une question plus abstraite, là, dans le fond. Là. S'il n'y a pas un mouvement de grève, c'est quoi le statut d'un étudiant? C'est ça, il n'y a pas vraiment de réponse à ça, je pense. C'est ça, ben, où ce que j'en viens, en fait, c'est que là, je me fais typiquement gars en philo, c'est-à-dire que j'essaie de résoudre des problèmes que les gens ne se rendaient même pas compte qu'il y avait. Ça, c'est cliché en philo. Là, c'est ça. Tu poses une question à un philosophe et tu trouves un paquet de nouveaux problèmes qu'il faut que tu règles avant de régler la question que tu y as posée. Ça, c'est typiquement nous autres. Là, mais... C'est comme le Apple des idéologies, des produits que tu ne savais pas que tu avais besoin d'avoir, tu sais, mettons. Ouais, ben en fait ce que j'ai tendance à dire, c'est que en fait c'est que t'avais besoin, j'en ai besoin. Non, ben c'est pas pareil, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir un gros iPhone 6 Plus, mettons, par exemple. Tu peux très bien vivre dans ta vie de tous les jours avec un vieux Samsung avec des pitons, là, tu sais. Tu pourrais. Bon, là, on fait des jokes parce qu'on parlait, ouais. On parlait de cellulaire, toi, bon. Pis moi, avant que l'émission commence, avant que c'était pareil. Ouais. Mais non, tu sais, je veux dire, moi aussi, j'ai pas exactement un vieux Samsung à piton non plus. En tout cas, bref, idéologie, philosophie. C'est ça, tu sais. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un petit peu plus nécessaire dans le sens que les problèmes qu'on va ressortir, ça va être des problèmes qui vont être quand même nécessaires à régler pour régler le problème de base. T'sais. C'est juste que des fois, mettons, on va creuser plus loin, tu sais, que ce que les gens sont portés à faire normalement, c'est notre job. Je veux dire, je suis pas en train de sous-entendre que t'es en philosophie, fait que je suis plus intelligent que tout le monde. Ah, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste qu'en philo, on va chercher dans des places que le monde ne va pas chercher normalement. Rien comme un médecin va chercher. Je veux dire, quand le médecin va te fouiller des reins puis tout, là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui irait fouiller là. T'sais. Non, vous pourriez le faire, mais ça n'aurait pas les mêmes résultats. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Tu viens de bien résumer ça. Tu peux le faire, mais t'auras pas le même résultat. Non. T'as pas les connaissances pour. Assume-toi. T'sais. Déjà, est-ce que tout le monde sait vraiment où sont ses reins? Tu sais? Et est-ce que tout le monde sait vraiment comment traduire kidney en rein, foie et poumon? Parce que je suis tout le temps en train de mélanger les trois. Je l'ai eu, hein? Kidney, c'est rein. Faut pas que j'y pense. T'sais. Faut pas que j'y pense. C'est ça. Puis ça sort. C'est comme conduire manuel. Faut pas que tu y penses. Faut que tu le fasses. Ouais, mais lui, il sait pas conduire. Fait que... Ouais. Ah ouais, ah, c'est vrai. C'est pas le meilleur exemple. Non. Fais-moi des références d'iPhone, je vais comprendre, mais de char. Ah non, c'est quand tu rentres ton numéro de carte de guichet sur accéder. Si tu y penses, je suis incapable de sortir le chiffre. Ouais. Faut que je le pitonne, mais si tu me le demandes, incapable. Tout à fait. Incapable de te le dire. C'est un automatisme, c'est ça? Voilà. C'est ça. Voilà. C'est une connaissance implicite. Exact. Ah, t'as des beaux termes de philosophe, toi. Ça, ça, en fait, c'est parce qu'avant, j'étais en psycho aussi. C'est un terme de psycho. Ah, ouais, c'est ça. Ça, moi, j'ai vu ça en psycho. Vous pensiez l'haïr, mais vous le détestez. Ah non, c'est ça. Moi, j'ai étudié dans les deux affaires. J'ai un bac en psycho, j'ai un bac en philo. Puis là, je fais une maîtrise en philo. J'ai les un deux. Psychologue, philosophe, ça doit être lourd. J'en sais que toi, des fois. Ah ouais. Oh oui. Je tape ses nerfs du monde. Écoutez, ma blonde qui nous écoute présentement. Bon, je pourrais en témoigner. Ben, remarque, elle-même est au doctorat en psycho, là, mais, ah, bon. Mais elle-même pourrait vous le dire que. En fait, j'y en ai pas parlé, mais j'ai considéré peut-être l'amener pour faire des jokes. Hey. C'est juste pour rire à m'amener. Ce serait drôle, ça. Dans en l'émission. Tout cas, si vous voulez les reconnaître sur le campus, ils vont voir tantôt après la chronique, il y a des boucliers, je pense, de la SPVM ou je sais pas trop quoi. Genre un classique pour se protéger des insultes. C'est ça. Ouais, non, les SPVM, c'est pas mes grands amis non plus, remarqué. Non. Mais non, c'est pour ça. Pour une autre chronique. C'est ça. Ça sera pour une autre. Peut-être. Ouh! Peut-être, on sait pas. Mais ouais, donc c'est ça. En fait, là, t'as l'air de m'aligner vers le mot de la fin. Fait que... Moi, si tu fais ce qui te tente. Si tu veux prendre les perches que je te tends. En fait, je vais commencer une longue dissertation sur le statut d'étudiant et sur qu'est-ce qu'une grève étudiante. Et, non, fait que dans 3 heures, on devrait avoir fini. Non, mais non, tu as dit si tu fais ce que tu veux, mais il a jamais dit qu'il allait laisser ton micro ouvert. C'est ça. Puis à un moment donné, le dîner de con va embarquer, il faudrait qu'il y ait une démarcation entre les deux. Non, je vais continuer à jaser avec Danny, c'est pas grave. C'est ça. Je crois que si tu parles contre la police, ça pourrait continuer dans une école aussi. Bref, hein, on disait quoi? On disait quoi? Ben, je vais quand même m'aligner sur le mot de la fin parce qu'à un moment donné, il y a Marie-Laurence qui va peut-être arriver et qu'il faudrait quand même respecter son droit de parler dans un micro. Donc, c'est ça. Ce que je vais terminer, en fait, je vais terminer à peu près à la même place. D'habitude, j'essaie de varier un peu par rapport à ma chronique. Aujourd'hui, j'ai quand même collé pas mal, en tout cas de mémoire. Là, c'est une fin alternative à ta chronique. Ben, oui, puis non, mais c'est parce que. Puis là encore, là, le monde va me dire, c'est une réponse de philosophe plate, mais c'est qu'en fait, il faudrait en discuter plus de c'est quoi le statut d'étudiant. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les opinions reçues, tu sais, pour ça, je parlais de Martineau d'un côté et de Lassé de l'autre, c'est qu'un étudiant, c'est pas un travailleur. C'est pas non plus un simple bénéficiaire. Donc, c'est quoi? C'est plus compliqué que ça. Je dirais, en fait, à la base, c'est un étudiant, il faudrait arrêter de mettre ça dans une autre catégorie. Ben oui, moi, ça, c'est une dire, catégorie c'est un statut en à part. Soi. C'est sa propre c'est ça, c'est boîte. C'est différent, tu sais. Mm-hmm. C'est pour ça comme le salarié étudiant comme en Suède par exemple où ce que tu reçois un salaire pour être aux études. Oui. Honnêtement, je crècherais pas dessus. Ben non, mais c'est sûr. Mais fondamentalement, dans la conception qu'on a mettons au Québec de c'est quoi être aux études puis ainsi de suite, est-ce une bonne chose? Est-ce que ça serait logique en principe? Pas sûr. Je dis pas que ce serait pas une bonne idée, là. Puis honnêtement, des fois, tu trimes sur... T'as des conditions de travail, entre guillemets, t'as des conditions d'études qu'aucun travailleur accepterait de vivre ça dans le cadre de sa job. T'sais, je veux dire, on s'entend, là, on a tout eu des fins de session de où ce que tu fais des 48 heures sans dormir parce qu'il faut que tu finisses un travail au plus sacré puis que t'avais pas eu les critères de avant, 2 semaines avant, t'sais, puis tout. On s'entend, on a tous vécu des situations de même. Même parfois dans certains emplois étudiants sur le campus, mettons quand on travaille pour des profs, on est un petit peu plus à la merci de ce que notre prof décide de nous faire. Je ne rentrerai pas là-dedans, moi je n'ai pas vraiment travaillé en recherche non plus. J'ai entendu certaines histoires, mais des fois on entend tout un pire histoire, puis ouais. Quand ça se passe bien, on n'entend pas parler. Ça c'est normal. Mais bon, tu sais. Fait que je me dis, bref, c'est toutes ces questions-là que j'espère que j'ai suscité un questionnement et. Une petite gêne, c'est certaines personnes aussi. Petite gêne de le monde qui sont comme les étudiants devraient retourner à leurs études si on y est de payer pour de quoi qu'ils veulent pas. Pensez-y. Allez plus loin que le premier degré. Pensez-y. C'est pas rien que ça. Bref. Wow. Suédois, ça nous aurait donné peut-être envie de faire des blagues de quelque chose suédois. Quelque chose suédois. Suédois. Ouais, à la place, je voulais faire une blague de grève. Je trouve que ta chronique, c'était comme la sauce brune sur mes patates ou la gravy. La gravy. La gravy. Oh, tabarouette. C'est bon parce qu'on s'est fait une poutine maison hier. Raconte-moi ça. Ben, c'était de la poutine. Puis elle était faite maison. Ouais. C'était carré comme d'accord. C'était très bon, par contre. Nous, on met du cheddar fort dedans. Ah, ouais. Ouais. Ouais, c'est bon. Je le conseille à tous les auditeurs. Si, cheddar fort en crotte? Non, tu l'achètes en morceaux. Cheddar fort en crotte. Je sais dessus, peut-être. Je pense qu'à priori, ça se ferait, mais trouve-en. C'est ça le problème. Ils n'en font pas parce que les gens n'achèteraient peut-être pas. D'autres, ce qu'on fait, on achète une palette là, du genre Petit Québec. Ouais. Ben, c'est pas du Petit Québec, là, mais je ne me rappelle plus la marque qu'on achète. Puis on le casse en morceaux. Là. Donc, ça fait des chunks à peu près de la grosseur des crottes de fromage traditionnelles. T'es super ton petit couteau, puis tu fais vraiment des formes de crottes pour que ça ait l'air d'une poutine. Non, on fait juste des je suis pas mal plus lâche que ça. Franchement, il est philosophe. Ouais, c'est ça. La job manuelle, là. mais t'as juste à briser tes morceaux de fromage avec la pensée. Oui. Ouais, c'est ça. Mais là, excuse, j'ai utilisé un philo, je suis pas un Jedi. Malgré tous mes efforts dans ce sens-là. Quoi que dans Poutine, un petit Jedi, ça va pas pire. Mais remarque, tu sais, ça pourrait être pas pire comme concept. Tu sais, je veux dire, prof de cégep, je veux pas, faut que tu suscites l'intérêt, là, surtout qu'il y a ben du monde qui arrive avec un préjugé défavorable dans les cours de philo. Tu sais, je pourrais donner mes cours et déguisé en Obi-Wan, tu sais. Ça me fait penser, c'est mon prof de philo cégep qui m'a fait découvrir E.T. Il nous avait prêté le film. Ah ouais, ouais. Ben, c'est cool. Ah, il était cool. Est-ce que c'était celui où il avait remplacé les guns par des walkie-talkies? Ça, c'était une bonne affaire. Ouais, dans les éditions du film où les guns que les policiers ont, quand ils essaient ils vont pas tirer sur E.T. Ils ont remplacé les guns par des walkie-talkies. Moi, je vais faire une grosse confession en onde présentement. Vas-y. Quand j'ai vu E.T., je l'ai vu très, très jeune. Ouais, je pense que j'avais genre 4 ans. Ouais. Puis ça m'a traumatisé. Parce que E.T. me faisait peur. Ben oui, mais il était peur, hein? Ben il est bizarre. Puis j'ai jamais osé le réécouter par après. Parce qu'il m'avait tellement traumatisé quand j'étais flo que j'ai jamais osé réécouter ce film. Tu devrais peut-être le réécouter, peut-être que là, tu te sentirais mieux après. Peut-être tu dormirais mieux après. Ça tuerait peut-être certains démons. Probablement. Ça fait des années que ma blonde m'écœure pour l'écouter, puis on dirait qu'à toutes les fois. Puis tu sais, le pire, c'est que j'étais un gros fan de films de sci-fi. Là, j'écoute Alien, puis je trippe, là, tu sais. Puis E.T. me fait paniquer, ça. Moi, c'est... On sent une petite séance. Oui, en gang. Ouais. Moi, c'est E.T. qui m'a... C'est vrai que c'était... Cet été, quand on s'ennuiera à 7h le matin, on s'appellera et on écoutera E.T. en gang. De toute façon, on reste proche. Là. C'est ça. Puis on s'achètera des Reese's Pieces. C'est ce qui m'a fait découvrir les Reese's Pieces. Il y a ça dans le film. C'est vrai. C'est des Smarties. Non, c'est des Reese's Pieces. C'est des oranges, ouais. Je pensais pas que ça existait depuis aussi longtemps que ça. Je pensais que c'était. Moi, j'ai découvert ça genre au cégep, justement. Puis c'était comme révélation. C'est grâce à E.T. Bref, ben Colin. Sébastien Fgartin, on t'a écouté toutes les deux semaines et on continue à te lire, en fait, pour le dernier numéro qui sort aujourd'hui, mardi. Oh que oui. Et ensuite, on attend pour voir la suite des choses à l'automne, aux autres campus, on sait pas encore. Le cas échéant, la porte est de toute façon ouverte pour toi. Dorénavant, pour toujours. J'irai d'une réponse caquiste, on verra. On verra dans le temps comme dans. Sébastien Fgartin et l'éditorial Zone Campus, merci beaucoup. Ben, merci à vous deux. C'était un plaisir de venir vous voir. Attends, laisse-moi, là, je te vois t'aligner pour continuer. Là, laisse-moi le M, la recoller un peu. Moi, les remerciements. Merci beaucoup de m'avoir invité cette année. C'était bien agréable. C'était la première fois que je faisais de la radio à vie. Fait que, c'est grâce à Steph, expérience. Donc moi aussi, je vais c'était envoyer grâce à Steph, en fait. C'est vrai, ça m'a pris. C'est vrai, Steph. D'ailleurs, ça m'a pris un bon 6 mois avant que j'accepte ton invitation, d'ailleurs. D'ailleurs, faut que tu nous dois encore le début de l'année en éditorial. Fait que ça viendra faire des chroniques à chaque jour de tous tes premiers numéros. Ouais, c'est ça, tu reprendras les vieux que t'as pas fait en nombre. Tu nous les dois. Donc, en 2013, j'ai parlé de. En janvier 2013, j'ai parlé de telle chose. Tu sais, être sur la nouvelle. Ouais, on est tight. On est tight. Nous autres, c'est des reprises ou ce l'est pas, ou est-ce Betamax? Non, c'est le slogan qui, ce genre? Est-ce en direct ou est-ce. C'est cassette vidéo. Est-ce un avion ou est-ce un... C'est Superman. Non, c'est le pupitre voyager dans le temps. Oui, c'était dans le studio, ça. Non, t'es pirates. T'es pirates. Bref, Sébastien Fgartin. C'était bon, ça. Oui. Est-ce que c'est assez de remerciements? Je pense que oui. Je pense que je suis... Ma gratitude est épuisée. Ah, gratiner ta poutine maison, gratiner. Ah. Belle tentative, Mathieu. Ouais, merci. Pour tout le monde qui le voyait pas, il se frottait les mains avec des grands yeux. Ça, on s'entend. Je pense que avec du fromage râpé, c'est la pire chose au monde. Ah, yeah. Vraiment. Yeah. Vraiment. Ouais, je sais pas si c'est l'esprit outre-tombe de Gabriel Béhoud où on divague pendant 20 minutes sur des histoires de bouffe à chaque fois une chronique, mais je pense que ça a transpercé ta chronique à toi avec Sébastien Fgartin. Parce qu'on veut pas que ça adore. Non, vraiment. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Ah! dîner de cons un certain midi cette semaine. Ah, pas se laisser faire. 30 minutes pour l'indépendance avec mon ami Jeff Veilleux. Salut Jeff. Salut Danny. Ça va bien? Oui. Ça va bien, ça va bien. Je m'ennuyais pas de la pluie par contre. Ben gars, ça va faire partir la dernière chenoute blanche qui restait un peu partout, ouais. D'une petite place à l'ombre là. On va faut voir ça de même. C'est bon. On va essayer d'être positif. Au moins en début de chronique. On continue là-dessus. Les activités oui. locales. Oui. En fait, il y a les investitures du Bloc québécois dans à peu près toutes les régions du Québec. Mais celle de Trois-Rivières va avoir lieu le 2 mai prochain. Oui. À 10h à la Marina de Trois-Rivières, donc près de l'île Saint-Quentin. Et vous pouvez devenir membre en règle dès là-bas, de renouveler votre adhésion là-bas okay. avant l'ouverture du scrutin. Il y a deux candidats qui présentement sont à l'investiture, un ancien soldat, que je ne me rappelle plus son nom, et André Valois, okay. Qui a été assez près du PQ dans la région et un bon organisateur. Ça, c'est pour le comté de Trois-Rivières. Exactement, ouais, okay. pour le Bloc québécois. Donc, le 2 mai, à la Marina de Trois-Rivières, à 10h, soyez nombreux pour venir entendre vos candidats, vos futurs candidats. Est-ce qu'il y a des candidats partout? Comme moi, je suis Masquinongé, là, et ça va tout être... J'ai entendu que Masquinongé, il y en a quatre. Ah. Quatre candidats à l'investiture. Génial. Et c'est la même semaine, donc à vérifier pour où et quand, mettons. Oui, exactement. Ben oui, dans ma région, à Pointe-du-Lac. Parce qu'on est pareil comme Masquinongé à l'autre bout, quasiment jusqu'à... En tout cas, drôle de... Une grande région. Oui, une drôle de grande région. Sinon, ben, on recommence avec les mauvaises nouvelles. Ah ben oui, je m'attendais à ça. Parce que le 13 mars dernier, on a appris que le budget de la fête nationale va être amputé de 20%. Ah. Environ 800 000 à 1 million de dollars de moins qu'espéré. En fait, le MNQ n'est pas pas totalement surpris. Le MNQ, qui est le Mouvement national des Québécois, mm-hmm. il savait déjà qu'on amputerait ses subsides. Il y a eu une première vague de coupures annoncée au mois de novembre. Les péquistes de Pauline Marois avaient promis de réajuster le budget à 4,4 millions, mais les libéraux maintenant au pouvoir, évidemment, le réajustement de quelques centaines de milliers de dollars devait être annulé. Il y avait mm-hmm. eu quelques rumeurs en décembre à ce dossier-là, mais finalement, c'est ce qui se confirme. Donc, à 3 mois de la Saint-Jean-Baptiste, le MNQ devra faire des choix. Et la Société nationale des Québécois et Québécoises table sur un budget comparable aux années précédentes, mais va continuer quand même de soutenir les projets de 45 organisations okay. partout au Québec. Là. Donc, ils ne veulent pas descendre en bas de ça. Ça ne va pas toucher l'enveloppe globale pour les fêtes. Mais en conséquence, comme choix, la fête des Patriotes au mois prochain sera moins célébrée. On aura aussi moins d'argent pour souligner le succès scolaire des meilleurs élèves de 4e secondaire. C'est ce qu'on appelle le mérite en histoire. Mm-hmm. Pour tous les étudiants qui ont 95% et plus, on leur donnait un prix. Hey, je l'aurais gagné. Ah oui? Ben oui, j'avais eu 100%, je pense, dans mon année en secondaire 4. Et donc, c'est une mauvaise nouvelle pour le MNQ. J'avais déjà parlé de Robert Laplante. Mais on n'est pas surpris. Non, on n'est pas surpris. Ils coupent dans tout. Fait que exactement. C'est sûr que la fierté d'être Québécois pour eux, c'est pas une priorité. Hein. Non, non. Là, on a bien vu ça au lendemain de l'élection des libéraux. Mais ils coupent dans tout, mais gars, ils veulent donner quand même la subvention de 800 000 pour mettre du fluor dans l'eau de Trois-Rivières. Ouais, ou 100 millions à une minière chinoise. C'est ça, exactement. Ils coupent où ils ont le goût de couper, puis où ce que dans leur plan, leur stratégie d'assimilation est faite, là. Mais la fierté québécoise, ça n'a jamais été une priorité pour eux non c'est plus. Sûr. On se rappellera que dès le lendemain de l'élection, la première action du ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, ça a été de couper les chaires sur l'identité et l'histoire nationale qui avait été instaurée par le gouvernement Marois. Mm-hmm. Et Robert Laplante dit que c'est une entreprise de dénationalisation de notre État. Rien de moins. Rien de moins. C'est ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, que je te disais tantôt hors d'onde, Couillard est en train de vouloir nous égaliser ça. Là. On était les plus heureux au Canada, au Québec. Mais là, ils vont nous mettre, ils vont s'organiser pour qu'on soit pas plus heureux que les autres. On retourne à la moyenne canadienne. Exactement. À place de se comparer aux autres pays, hein, on se compare juste entre provinces. Exactement. Mais on est 200 pays, sa planète, M. Couillard. Hein, monsieur antinational. Et récemment aussi, la réalisatrice Micheline Langteau, âgée de 67 ans, a fait une grande sortie parce qu'elle souhaite que les manifestations équivalentes au printemps arabe de 2012 soient présentes, que les gens se manifestent parce que, selon elle, la situation s'est empirée. On vit une véritable désintégration sociale, a-t-elle lancé. Elle rappelle aussi qu'il y a 30 000 itinérants dans les rues. Les gens ont de plus en plus de mal à se trouver un logement. Elle est indignée par la misère qu'elle voit. Et donc, pourtant, les solutions existent. Par exemple, taxer les profits des banques. Hein. Il me semble qu'on va parler de choses concrètes comme ça qui pourraient être intéressantes. Sinon, ben, c'est tordu parce que là, le gouvernement demande aux citoyens de payer la facture alors qu'il ne prêche pas par l'exemple lui-même. Quelques exemples, les salaires des recteurs, les primes, l'évasion fiscale. Dans le fond, selon elle, il veut nous imposer le modèle américain avec son 1% de la société qui possède toute la richesse. Et donc, pour elle, elle est super contente de voir tout le tollé qui se fait autour du carnage que le gouvernement libéral s'apprête à faire dans nos services sociaux. Et selon elle, la mobilisation n'est pas encore suffisante. Ben elle appelle de tous ses voeux des manifestations monstres de la part de la population et non juste des étudiants. Et elle dit « J'espère qu'il y aura une réaction à la hauteur de ce qui se passe, car c'est très sérieux. Je trouve que le soulèvement des casseroles de 2012 s'est éteint trop vite. Il faut que les manifestations reviennent à l'avant-plan. » Donc, merci, Micheline Langteau, contre l'austérité et pour la parole citoyenne. Ah oui, puis là, il y a plein de gens qui vont tout le temps dire en ce moment, partout, sur les réseaux sociaux, puis tout ça, vont nous dire que « Ah, arrêtez! » Puis, tu sais, ils disent aux étudiants de fermer leur gueule, puis d'aller étudier, puis d'arrêter de déranger. Les gens ne comprennent rien, je pense. C'est hallucinant. Juste un petit exemple. Ah, vas-y, mon ami. J'en ai déjà parlé dans une chronique austérité que j'ai déjà faite avec toi, mais une statistique là, qui va clore le dossier sur la baisse constante de la contribution des entreprises. En 64, 38% des recettes fiscales du Québec provenaient des entreprises. En 2004, cette contribution des entreprises baisse à 12%, puis à 7,7% en 2007 pour atteindre 6,4% en 2014. Elle a l'argent. Tu sais, la juste part, là, on pourrait en parler longtemps. Ah non, l'argent est là. Il y en a plein d'argent. Il y en a partout de l'argent, mais là, ils vont te faire peur parce que c'est comme ça qu'ils vont te contrôler. Ils vont te le dire qu'il n'y en a plus. Puis, hey, comment qui peut être contre un équilibre budgétaire? T'sais, dans la plus belle des utopies, là. C'est clair qu'on veut ça, tu sais. Mais à quel prix? À quel prix, exactement. Puis aller chercher, justement, faites l'équilibre, mais aller chercher l'argent où elle est. Ouais, c'est ça. Dans les coffres des grandes entreprises, dans les coffres des gens qui en ont plein d'argent. Et puis souvent, c'est pas des personnes, c'est des personnes corporatives. Hein, fait que vous enlèverez pas d'argent à une personne en tant que telle. Mm-hmm. En tout cas. Puis les banques, on les mettra jamais dans la rue non plus non. Si on leur met une petite taxe d'1% pour l'éducation. Là. Non, exactement. Ils vont continuer à garder tout notre bien et puis s'en le gérer. En tout cas. Sinon, tout le reste de l'émission, je le consacre au débat de la course à la chefferie du PQ. Parfait. Dans un mois, c'est le vote. Oui, tout à fait. Je crois que tu es devenu membre d'ailleurs. Oui, il y en a plusieurs que je connais qui ont repris leur carte. Cette semaine, c'était Richard Z. Sirois qui disait qu'il avait repris sa carte. Okay. Puis plein de gens qui décident là, d'aller la rechercher, qui étaient déjà des anciens, parce que Richard Z. Sirois, je ne savais pas, mais c'était un grand militant depuis 1976 pour le Parti québécois. Mm-hmm. Et puis là, il a décidé de reprendre sa carte et puis il invitait tout le monde à le faire. Et puis j'ai fait la même chose. Moi, j'ai invité tout le monde à le faire. Que vous soyez pour ou contre, dans le sens, le PQ, ben, décidez au moins qui vous voulez voir à la tête de ce parti. Hein. Ça vous oblige pas à voter péquiste à la prochaine élection, tu sais, dans le fond. Là. Non, tout à fait. C'est de pouvoir participer, justement, au choix du chef. Qui va peut-être devenir le prochain premier ministre du Québec. On le souhaite! Tant que c'est pas un libéral. Moi, n'importe qui, sérieux, dans la gang des péquistes, ça va être mieux que ça. Ça sera déjà moins pire. Ça, c'est sûr. Donc, le deuxième débat du PQ qui avait eu lieu à Sherbrooke, ça portait sur la santé. Et donc, j'ai sorti quelques points majeurs là, du débat. Par exemple, Péladeau qui soulignait qu'il y a 8 milliards de moins en transferts fédéraux depuis l'ère chrétien dans le domaine de la santé. Selon Cloutier, c'est un manque à gagner de 800 millions seulement lors du mandat du PQ. Donc, il croit aussi qu'il faut absolument réussir le virage informatique dans le cas de la numérisation des dossiers médicaux. Et ça, c'est un projet que le PLQ a entrepris il y a quasiment 10 ans, qui n'est toujours pas... c'est tellement ridicule, là. C'est, ils ont mis plus qu'un milliard là-dedans. Oui, c'est la base. Un dossier médical numérique, hey, c'est quoi? On est-tu en 1800? Il y a tellement de monde qui déménage de ville en ville à chaque sans année. Arrêt, faut faire un suivi. Si on avait commencé réellement il y a 10 ans, ça serait fait aujourd'hui. Ouais, exactement. Ça serait facile quand un nouveau-né de l'entrer dans le système. Là, quand à chaque jour, ça serait facile quotidiennement. Mais non, là, on veut se mettre une tâche herculéenne devant le visage, puis ça va être jamais fait, on dirait. Fait que ça serait une priorité, là, vraiment, là, quand tu as construit une route d'asphalte dans le Grand Nord. Oui, oui, oui. Ben, assurons-nous donc de la numérisation des dossiers médicaux. Tout à fait. Madame Ouellet, elle propose un régime d'assurance publique universelle pour les médicaments et selon elle, on pourrait sauver 3 milliards selon des études documentées. C'est à ne pas négliger. Non, c'est pas à ne pas négliger, certain. Québec solidaire en parlait déjà, là, Pharma Québec. Eux autres, ils disaient 2 milliards, puis on est rendu à 3 milliards qu'on pourrait sauver si on fabriquait nous-mêmes nos propres médicaments. C'est à ne pas négliger. Et puis, on a les connaissances pour... Oui, puis il faut le développer, en cette plus, expertise-là aussi. Oui. En tant que futur pays... Drainville insiste quant à lui pour repousser d'un an le déficit zéro. Il insiste là-dessus là, à chaque fois. Il rappelle vraiment, c'est son cheval de bataille. Là. Il rappelle aussi que la pension de vieillesse sera coupée en deux d'ici 2050. Donc, dorénavant, il faudra dire que l'indépendance est nécessaire à garder intacte plutôt de dire qu'on va la perdre, cette fameuse retraite du fédéral. Et ils ont déjà commencé à piger dans la caisse. Ben, c'est ce que je m'en ai dit. Quand tu commences à piger pour des infrastructures, puis des ponts, puis des coffres, ça rapporte rien, un pont. Là. Ça ramènera jamais d'argent dans les coffres. Je peux pas comprendre qu'il y a des gens qui disent « Non, non, c'est des bons investissements. » Non, non, c'est pas un bon investissement, là. C'est ridicule, là. Acheter de l'asphalte avec ça, c'est notre bas de laine pour quand on sera plus vieux. En tout cas. Donc, dossier à suivre sur les retraites. Sinon, Cloutier et Ouellet sont d'accord pour instaurer une taxe sur les banques, comme on disait tantôt, hausser les impôts aux entreprises aussi, et surtout mettre des plafonds salariales. Parce que là, la petite madame Desjardins, là, la présidente, elle vient d'ailleurs de se faire mettre dehors par les deux tiers de son assemblée. Elle était payée 3 millions par année. Coudonc, c'est une coopérative ou c'est une entreprise? Ah oui, elle s'est voté un salaire. Là. Je sais pas depuis quand puis par quelle structure elle a réussi. Je pense payer-la une année puis garder-la toute la vie. Ça va être correct. Là. Et payer là, pour le reste. En tout cas, c'était le temps qu'elle s'en aille, celle-là. Vraiment? Aïe, aïe, ça, je l'ai pas pogné, celle-là. Okay. Sinon, tous les candidats s'entendent pour moins de privés en santé. Puis surtout pas plus. Ben là. On assiste à ça présentement. Là. Toutes les dynamies du Parti libéral vont toutes sauter sur la privatisation, la porte ouverte laissée par les libéraux. Drainville dit qu'il y a 11 ans de différence d'espérance de vie entre le quartier le plus riche et le plus pauvre de l'île de Montréal. C'est carrément honteux, là. Il faut cesser de couper l'aide sociale aussi à ceux et celles qui reçoivent une pension alimentaire destinée à l'enfant. Ben oui. Quand ça, je trouve ça ridicule, parce que, à un moment donné, on était dans une situation, ma blonde, si j'y donnais une pension, elle était coupée, elle avait plus d'argent, ou presque, si j'aurais donné une pension, pour tout dépendant le montant que j'y donnais, eh bien, ma blonde, c'était pour ma blonde, mais c'était la mère de mon enfant, eh bien, si j'y donnais un tel montant, il a fallu qu'on prouve qu'on n'avait pas assez d'argent, tu sais, pour que, sinon, si, mettons, j'y donnais 300$, bien, il coupait 300$ sur l'aide sociale. C'est ridicule, c'est complètement ridicule. Parce que c'est de l'argent qui va à l'enfant. C'est ça. C'est même pas à celle qui reçoit le chèque. Non, là, exactement. C'est comme n'importe quoi. C'est une façon de calculer. En plus, c'est des économies de bout de chandelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des scènes. Ouais. Tu sais, d'un coffre d'entreprise, c'est des millions. Mais là, on va aller parler de petites piastres, puis de petites centaines de piastres ou de petites dizaines de piastres avec des gens qui vont tout remettre de toute façon cet argent-là dans l'économie. Ils la mettront pas dans un fonds d'investissement, puis dans un CELI, puis dans un ci, puis dans ça. Là. Quelqu'un sur le bien-être, là. Tout son chèque, il passe. Il n'en reste pas pour en mettre dans un compte. Il n'aura pas acheté puis investir en immobilier, là. En tout cas, c'est ça. Merci de ta tranche de vie. Non, mais excuse-moi, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Puis des gens comme ça se battent à tous les jours, là. À tous les jours, il y a des gens au bureau de bien-être social qui sont obligés de s'obstiner avec leur ancien conjoint. Puis là, ça fait des chicanes dans la famille. Ouais. Ça fait de la merde parce que souvent, l'autre n'est pas plus vraiment riche. Et au pire, il y a une petite job-in, là, tu sais, mais sans plus. C'est complètement ridicule. C'est du vol à l'état pur. Mm-hmm. Pierre Séré, lui, rappelle que 8 % des logements au Québec sont vétustes, que ce soit pourriture ou champignons. Et cela monte à 30 % dans les communautés autochtones ou les régions éloignées comme Sept-Îles ou Nunavik. Il est temps de s'occuper du monde qui vivent sur notre territoire, constitution ou pas, selon lui. Et il rappelle aussi que l'indice de pauvreté touche à 1 à 2 Amérindiens sur 3, et surtout des enfants, évidemment, malheureusement. Cloutier dit « C'est pas normal qu'il faut aller à l'urgence pour une otite, pour un enfant. Les groupes de médecins familiales, de médecine familiale devraient être ouverts 24 heures sur 24 lorsque c'est vraiment important. » Ça, c'est un autre dossier super important. Martine Ouellette rappelle d'ailleurs que les CLSC, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça pourrait prendre en fait 25 % des besoins des patients. Mm-hmm. Ça serait vraiment essentiel. Puis ça désengorgerait les urgences qui, finalement, il n'y a jamais un maudit médecin aux urgences la nuit. Là. Il y en a un pour traiter 50 exact. Personnes. Fait que, puis ça, c'est selon Ouellette, là, pour les CLSC, c'est un coût de 150 millions sur un budget de 40 milliards. On pourrait se le permettre. Là. Mm-hmm. Les gens souhaitent aussi rester chez eux le plus longtemps possible. Puis surtout avec le vieillissement de la population, il faut maintenir les services à domicile. Ça, c'est la base. Là. Il faut s'enligner là-dessus. Serré dit « On a besoin d'une médecine de proximité. Le PQ ne va pas restructurer le réseau de santé sans consulter les 10 000 personnes impliquées, ce que fait présentement le gouvernement mm-hmm. Couillard. » Et Ouellette ajoute qu'il faut plus de services. Puis, pas nécessairement des réformes, là. Vraiment plus de services. Mm-hmm. Puis, pas des réformes qui font peur et qui créent l'immobilisme, comme c'est le cas actuellement. Avec les lois Bayon, on en peut finir encore une fois. Là, c'est pas une manière de procéder démocratique. Oui, puis c'est pas des lois, en plus, qui sont petites. Là, c'est des lois mammouths qui intègrent 1 million de dossiers, tout dans le même panier. Ils mettent ça tout ensemble, puis ah ouais, on vous passe ça à travers la gorge. C'est vraiment hallucinant. L'exemple, justement, l'autre fois, on en parlait, là, en Ontario, c'est ce qui arrive, c'est les cliniques. Les gens, quand ils ont mal à quelque chose, ils ont mal au dos, il y a un otite, il y a un problème quelconque, ils vont pas à l'urgence. C'est pas une urgence. Ils ont un problème médical. Un problème mineur. Oui, problème mineur. Et puis, tu vas prendre rendez-vous avec ta clinique ou ton CLSC, peu importe le nom, on s'en fout. Là. Mais c'est de faire des petites instances comme ça, proches de chaque... Dans chaque petit village, il y a des cliniques. Mais tu regardes ça. Moi, il y en a une à Pointe-du-Lac, mais c'est toutes des cliniques privées. Mmh. Et puis même sur la porte, il n'y a même pas de numéro de téléphone pour les rejoindre parce qu'ils ne veulent pas se faire déranger. C'est sacré. Ouais. Faut que tu connaisses quelqu'un de quelqu'un qui est déjà là puis qui te donne le numéro. Hey, c'est ridicule, là. C'est ça, les cliniques de nos jours. Tu sais, à Pointe-du-Lac, j'étais là tout content dans le Jean Coutu, pour ne pas le nommer. J'étais là, hey, il y a une clinique, il y a 4 ou 5 médecins. J'étais là, hey, c'est intéressant. J'essaye de trouver. Tu vois les noms des médecins, il n'y a pas un maudit numéro de téléphone à nulle part. Puis c'est la porte, là, mettons, pour te rendre, c'est un ascenseur. Fait qu'il n'y a même pas de fille à l'accueil ou quelqu'un. C'est chaque médecin, finalement, reçoit ses patients, puis c'est géré avec ses propres trucs. C'est vraiment d'éloigner la santé, d'éloigner les services à la population. Puis la garder pour les gens qui ont, mettons, vraiment les moyens, eux, ils s'en foutent, puis ils vont payer. Au détriment du reste de la population en exactement. Général. Exactement. C'est complètement ridicule. Puis de toute façon, les médecins au privé, ils vont pas faire plus d'argent, là. C'est ça qu'on comprend. C'est juste qu'il y en a plus qui sont disponibles pour vous, parce que ceux au privé, ils vont choisir les maladies qui sont faciles, les trucs qui sont simples, mm-hmm. puis qui vont y faire une job, puis pas se casser la tête, puis justement, pas faire de l'urgence, puis d'avoir des heures normales de travail, tu sais. En tout cas, le deuxième thème du deuxième débat, c'était l'énergie et l'environnement. Je vous invite quand même à aller l'écouter. Les débats sont tous en ligne sur YouTube. Oui. Ils sont quand même très, très pertinents. Mais pour aller rapidement là-dessus, il faut dire qu'au Québec, on a 40 % d'énergie propre, selon Drainville. Il faut continuer là-dedans. Il dit aussi qu'une automobile électrique permet de sauver 1 500 $ par année. C'est-à-dire 11 000 piastres en 7 ans. Mm-hmm. C'est quand même à ne pas négliger. C'est vraiment la voie pas. De l'avenir. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup aimé une formule de Pierre Séré, les 4 R, réduire, récupérer, recycler, revaloriser. Mm-hmm. C'est vraiment l'optique qu'il faut aller. Là. Puis aussi régler le cas des minières polluantes qui nous nuisent et qui vident nos comptes parce qu'on est obligé de dépolluer à leur place. Mais vu que j'ai déjà parlé beaucoup de pétrole avec toi ces dernières semaines, donc je vais passer directement au troisième débat qui vient d'avoir eu lieu et qui portait sur l'éducation et l'indépendance. Ça avait lieu où, ça? Rimouski? À Québec, le Théâtre Québec. L'Impérial. Okay. Et d'ailleurs, comme tu soulignes, le prochain débat est à Rimouski. OK, c'est ça. Le 3 mai, sur la culture et le développement régional. Et le dernier débat sera le 7 mai sur la langue, laïcité, immigration et citoyenneté, et ainsi que l'urbanisation et le transport. Donc, les deux prochains débats. Et le vote est environ dans le coin du 24, entre le 20 et le 24 mai, je crois. Donc, Drainville propose une route à deux voies vers l'indépendance. À court terme, c'est les appuis. Puis à long terme, c'est la préparer. Faire campagne avant, pendant, après. C'est super, c'est louable. Mm-hmm. Cloutier, qui manquait de voix, je ne sais pas si tu as entendu des extraits du débat. Non. Il parle... Ah, il y avait de la misère. il parlait vraiment... Puis on dirait qu'il retenait son souffle pendant tout. ça vaut la peine d'aller l'entendre. Oui. D'ailleurs, lui, il a décidé de choisir l'équipe CH, c'est-à-dire l'équipe Cloutier-Yvon, pour battre Ottawa en 7. Okay. Donc, petit clin d'œil au match de hockey. C'est-à-dire en 7 années pour organiser un référendum. Okay. C'est sa marche à suivre. Il veut rassembler 1 million de personnes pour la signature, mais au total, c'est 3 millions de personnes qu'il faut aller chercher pour avoir notre pleine liberté et convaincre la population. Il faut aussi faire de l'éducation de priorité nationale, évidemment. Le PQ doit recommencer à rassembler. C'est un parti intergénérationnel, ne l'oublions pas. Et investir dans la jeunesse, bien, c'est investir dans l'avenir. Le gouverneur Couillard n'a pas compris encore ce petit détail majeur. Pierre Séré dit qu'on a le devoir de sauver le PQ. Selon son directeur de campagne, qui a seulement 22 ans. Le PQ, c'est le véhicule nous menant à notre émancipation. Et le 7 avril, c'est pas un accident de parcours pour lui. Il dit « Notre parti a vieilli. Il faut donc réparer les fissures avec les jeunes et les immigrants. » Et Pierre Séré recommande un PQ 2.0. Ah, tiens, modernité. Madame Ouellette, c'est bien sûr l'indépendance et la social-démocratie verte. C'est l'expression qu'elle utilise. Elle dit que c'est l'essence du PQ. Parce que rester dans le Canada, là, c'est pas stagner. C'est reculer de plus en plus. Puis en Écosse, le oui a augmenté de 15 % en un an de campagne. Donc, c'est possible là, si on s'y met. Et donc, c'est pour ça qu'elle accuse PKP d'avoir un plan, et je cite, « flou, mou et ambigu ». Parce que c'est vrai. Et d'ailleurs, si j'aurais une pénalité de retard de jeu à donner, ça serait à Pécopé pour ne pas répondre aux fameuses questions qu'il se fait donner par ses amis et ses collègues candidats. Pour lui, quand même, Québec, la ville, doit renouer avec l'esprit digne d'une capitale du seul État francophone en Amérique du Nord. Mais semble audace, vitalité, fierté, tout est là, se brancher sur le monde, la richesse du patrimoine mondial, une grande qualité de vie. Ils sont sûrement heureux aussi à Québec. Mm-hmm. Et au même type que Washington et Londres, l'indépendance, donc, ça serait un meilleur moyen de favoriser notre développement. Et donc, pour ça, il faut moderniser le parti, selon lui. Et comme disait le Colocas, Québec, c'est le cœur du pays. Donc, espérons qu'ils vont arrêter de voter à droite puis se sortir la tête du... La tête du X, là? Ils vont sortir. Ouais. Je donne aussi une pénalité confusion à Alexandre Cloutier, en fait, qui a coupé la parole à Martine à plusieurs reprises, qui elle-même a coupé Pécopé, qui devait répondre à Bernard. Enfin, ça allait répondre, peut-être. Peut-être, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il y a eu une petite bisbille là, en plein milieu du débat. Je trouvais ça bien drôle. Martine Ouellette souligne qu'on doit s'ouvrir aux autres partis politiques. Elle a même déjà commencé, c'est essentiel. Cloutier est d'accord aussi, on doit se parler. Séré dit « La politique, c'est pas juste les partis puis les élus, hein, c'est aussi les citoyens. Mm-hmm. » Puis ça, il faut renouer avec cet esprit-là. Laurent Constantin était déjà venu de parler de la République, je crois, ou c'est Jimmy Thibodeau qui avait parlé de République. L'esprit républicain, c'est que ça, c'est la population... La souveraineté et le pouvoir viennent du peuple. Ouais, la population est garante de la légitimité du pouvoir et devrait donc avoir le dernier mot en tout temps, finalement. Mais on est loin d'avoir une démocratie directe là, avec un vote aux 4 ans. Puis encore là... Puis un vote qui ne vaut pas ce qu'il veut dire. En plus, oui. Parce que là, la majorité a voté contre le PLQ. Puis sans parler des promesses de campagne, des promesses électorales qui tiennent pas la route. Et, on verra bien le 250 000 emplois s'ils vont l'atteindre. C'est Charles Couillard, à force de couper partout, Ça va être 250 000 chômeurs, finalement? Oui, il va y trouver des chiffres, il va faire ce qu'il veut avec. Là. Il va essayer de faire parler les chiffres en sa faveur. PKP veut convaincre les souverainistes de Québec solidaire et les nationalistes de la CAQ à se joindre à lui. Drainville veut rassembler tout le monde autour de la rédaction d'une constitution. J'en ai déjà parlé souvent, c'est la colonne vertébrale d'une société et qui pourrait inclure les droits autochtones, la laïcité, les pouvoirs du peuple. Dans le fond, se redéfinir des valeurs collectives, là, on serait pas mal dû. Redéfinir la carte électorale, ça serait bien important. Personne n'en parle de ça? Non. Puis la réforme du scrutin aussi, c'est pas mal les sujets les plus absents de cette course à la chefferie. Pour vrai, je comprends pas qu'on n'en parle pas plus de ça. C'est tellement... Les gens vont tellement être touchés si tu leur apprends que leur vote va valoir de quoi. Parce que c'est là que les gens, pourquoi se désintéressent, c'est qu'ils voient plus de pouvoir. Puis pour que le citoyen se réapproprie sa politique, et ben il faudrait qu'ils sentent que son vote vaut quelque chose. Parce que de ce temps-ci, les gens, ils trouvent que leur vote vaut rien. Parce que ce qui dirige le pays, ou en tout cas notre province pour l'instant, ben c'est pas représentatif de ce qu'ils ont voté. C'est pas la volonté populaire non, qui décide. Non, c'est ça. Puis autant au fédéral qu'au provincial. Fait qu'il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui se dise ça, mais on dirait que personne n'ose se mouiller dans ce remaniement du scrutin puis de la carte électorale. Pour terminer là-dessus, parce qu'on a déjà malheureusement plus de temps. Oui, c'est fou, hein, c'est fou. La ville de Québec est la deuxième ville après Calgary avec le chômage le plus bas au Canada, quand même bien quand pour même eux. Bien. Ouellet dit qu'il faut combattre la peur avec la fierté. C'est un message d'espoir, j'adore ça. Mm-hmm. Et elle insiste beaucoup sur la loi anti-briseur de grève de Guy Leclerc qu'on doit adopter et qui a été chaudement applaudi. Là, c'est au centre de sa campagne. Et pour terminer, je mets une autre pénalité pour Rudess à PKP. Oh. Et je le cite, il dit « Si tu permets, Martine, j'aimerais continuer ». Au lieu de la laisser parler là, en tout cas j'ai trouvé ça vraiment bas de sa part. Je me prononce pas sur l'issue de la course. Évidemment Cloutier et Martine sont mes préférés. Oui. Je souligne aussi la page Facebook qui a été créée, devenir membre du PQ pour bloquer PKP. Fait que même s'il aura réuni 10 000 signatures comme il dit, on verra bien. J'espère qu'il va avoir un deuxième tour puis que ça sera pas un couronnement dès le premier tour. Immédiat, genre. Ouais, parce que dans le fond, il faut 50% des voix pour le premier tour. Et donc, à suivre dans les deux prochains débats, 3 et 7 mai prochains, à suivre. Et pour terminer, je vous ai amené une toune de Locolocas. Oui. Le but pour encourager nos Canadiens qui vont peut-être clencher Ottawa. Pour une fois qu'on peut battre Ottawa, on va le faire avec plus de plaisir. Et peut-être même qu'on va le faire chez eux demain soir. Donc, à suivre. Et voici le but de Locolocas. Merci, Jeff. Ça fait plaisir. Hey, c'était la dernière, peut-être. Hein? Peut-être. À suivre la semaine prochaine. Yes, ben merci pour tout le reste, pour toute la saison. Puis au plaisir de se rejaser de ça. Merci, Danny. Yes. Good stuff. OK, good. We have a new goal, LeBouf. All right. C'est au Québec, il fait pas froid, il fait frais, c'est de même parce que c'est de même. Pis c'est bien correct, on a de la place en masse. Pis nos face à face, on les fait sur la glace. Alors on lasse nos pattes, pis nos gars, c'est comme Maurice. On glisse dans l'arène avec la haine de la défaite et le feu dans les yeux. En fait, quand on veut, on peut gagner. En des temps si lointains que les Franco s'appelaient Canadiens, à une époque où l'époque était faite de crottins, on aurait hommes dont le destin commun est comme un film sans fin. En technicolore et tricolore, bleu comme le Saint-Laurent, blanc comme l'hiver, rouge comme le sang qui nous coule à travers. Le corps de l'équipe, c'est le cœur de la nation. Et chaque année, faut clore avec une célébration. Ils diront jamais tel quel aux nouvelles, mais le tissu social de Montréal, c'est de la Sainte-Flanelle. Quand il est question de hockey, nous on fait pas dans la dentelle, ok? C'est plus qu'un sport. C'est une métaphore de notre sort. C'est ça qui nous ressemble, c'est ça qui nous rassemble. Anglo, franco, peu importe la couleur de peau. Si tu détestes Toronto, le sang qui bouge dans tes airs paraît aussi rouge. Mon parc a les chandails de nos vainqueurs, de vainqueurs qui lutte avec honneur les Canadiens pour une fois rallient tous les Québécois. Vainqueurs, de vainqueurs, le pire, le meilleur, les Canadiens. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est le moment d'accueillir une personne qu'on fait tout le temps attendre. Puis, Colin, je sais pas si elle va nous en vouloir, mais à date, non, parce qu'elle vient quand on lui donne un spot, on lui donne un trou dans la grille horaire et elle vient nous voir. C'est Marie-Laurence Audet. Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Marie-Laurence Audet, bonjour à toi. Bon matin. Ça va bien? Oui, et vous? Tellement. Toujours, toujours. Tellement. Tellement un rayon de soleil qui arrive en studio comme à chaque semaine pour la chronique Le Loisir Bien Plus Que Jeu. On parle de loisirs, de divertissement, de choses qui sont le fun à faire, peu importe ce qui n'est pas du travail. C'est pas, y a pas d'histoire de greffe et de syndicat là-dedans, je penserais pas. Non. Rarement. Donc, Marie-Laurence, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de gavage télévisuel. En fait, j'ai capté votre attention. Là, je savais la réaction que j'attendais de Mathieu Plante. Ah, des téléséries. Là, je vais t'écouter pour une fois en direct. Arrête donc! Mais en fait, avant de commencer toute chose, j'aimerais saluer quelqu'un. J'aimerais saluer Isabelle Brunet, qui en fait a fait ressortir ses écrits scientifiques-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le sujet. C'est dans le cadre du... comme à l'université, on fait le projet en 180 secondes. Ouais. Nous, on le fait en loisir, dans notre programme. C'est elle qui a ressorti ce sujet-là, qui en a parlé en 180 secondes. Et ça m'a fascinée. Ça a capté mon attention. Puis, je suis repartie de ses écrits à elle pour faire la chronique de ce matin. Donc, j'aimerais la saluer. Merci, Isabelle. Salut! Bonjour! Salut! Donc, elle vient de nous répondre en direct. Bon matin! En fait, j'ai pas à vous convaincre sur la popularité des téléséries. On en parle sur les médias sociaux, on en parle dans les corridors, on en parle partout entre amis. Autour de la machine à café. Oui, parce que combien de fois on a dit que c'était la dernière émission, puis après je me couche. Ouais. Hein, Mathieu? Depuis Netflix, puis Next tout seul, là, genre, dans 5 secondes, puis ça part tout seul. Là. Exactement. Pas de contrôle, c'est pas de ma faute. C'est 13, ça. Pas de ma faute. Le lendemain, tu te réveilles, finalement, t'as fini la télésérie au complet. Il y avait juste 25 saisons. C'est une bonne nouvelle. Ben oui, voilà, on est productif. Puis, en fait, les nouvelles technologies, tout ce qui est les vidéos sur demande, les sites de streaming, les plateformes comme Netflix, ils ont vraiment stimulé ce phénomène-là. Ça en est devenu populaire. Puis on ne peut plus le nier, ça fait partie des différentes pratiques de loisirs qui existent. En fait, les gens ne font plus juste se contenter d'une série ou d'un épisode. Ils veulent dévorer la série. Ils veulent presque du à volonté. Souvent, ils n'écoutent pas en direct à la télé puis ils disent « Après, moi, je vais... » clencher la série au complet, j'aime mieux voir l'histoire en continu. Ouais. Tu sais, il embarque là-dedans. On parle de Mathieu ce matin. Ben, c'est ça, c'est des cas vécus ici. Exactement, on va avoir des témoignages à la fin. Moi, je dirais que ça dépend de la série. Ah oui, ça dérange. C'est sûr que c'est un plat, t'es moins motivé, là. Non, ça suspense, genre. Non, mais c'est parce que je sais pas. Quelqu'un, tu peux l'écouter en direct, tu peux en parler avec les gens autour de toi. Oui, je. Quand 19-2 joue, tu peux pouvoir en parler au bureau maintenant. Je mets pas de côté que les gens vont l'écouter en direct, mais il y a vraiment une fascination. Comme quand c'est disponible sur Netflix, on attendait par exemple que ça sorte en français ou autre. Ouais. Mm-hmm. D'écouter juste un épisode quand ils sont tous disponibles, contrairement à dans le temps quand c'était juste, mettons, au club vidéo, où est-ce que tu pourrais les avoir. Mm. On a vu une popularité dans ce phénomène-là. Il y a des styles d'émissions aussi qui sont moins appropriés pour ça. Mettons une télé-réalité, tu vas rarement l'écouter. En rafale, ça serait vraiment long. Mathieu, il faut juste pas l'écouter. C'est ça. Ouais, dans mon cas, c'est pas mal ça. Mais exactement. Puis des fois, il y a des téléséries qui ont, en soi, chaque épisode se termine. Tu sais, que c'est comme une fin. Mais il y en a qui te laissent sur un suspense que tu dois juste savoir ce qui s'est passé, juste écouter une dernière émission, puis finalement, ça finit jamais. Pour finir ta série, puis t'attends la prochaine série. Puis c'est un phénomène, ça, qu'on appelle le gavage télévisuel. Puis ça touche particulièrement les générations Y et Z. Mmh. Oui, cette fois-ci, vous faites partie des générations touchées. Merci, Marie-Laurence. En fait, c'est les personnes âgées entre 14 et 34 ans qui sont les plus ciblées dans ce phénomène-là. Oh, Mathieu, il est limite un peu dedans. Aïe, On est dans de grande écoute, on reste poli. Moi, j'ai rien dit, mais c'est lui. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, c'est un sujet qui, malgré sa popularité, a peu d'écrits scientifiques. De là que je saluais le grand travail d'Isabelle Brunet d'avoir ressorti ces éléments-là. En fait, ce qu'on va considérer comme un gavage télévisuel, c'est vraiment qu'on va écouter au moins 4 épisodes consécutifs. Ah, il y a un chiffre là-dessus. Donc, il y a un chiffre, au moins 4. Parce que 3, moi, je trouve que c'est aussi pas mal beaucoup. Des épisodes d'une heure. Oui, mais quand tu y penses, ben, ça dépend, parce que des fois, ça va être tu sais, quand t'enlèves les pauses et tout, ça va tourner autour de 30 minutes, 45 minutes. C'est pas pire qu'écouter un film, un long film de 2 heures, 2 heures et demie. Tu sais, ça reste réaliste. À partir de 4, là, on est dans le long Seigneur des Anneaux. Ta soirée est basée là-dessus, c'est ça, ouais. Donc, à partir de ce chiffre-là, on peut vraiment qualifier que plusieurs sont dépendants dans votre entourage. Là. Oui. Plusieurs en sont dépendants sans s'en rendre compte. Puis en fait, c'est qu'il y a une idée vraiment commune qui est malsaine dans la société, qui est de voir ce phénomène-là vraiment négatif, de voir que quelqu'un qui choisit de passer son vendredi soir ou ses soirs, ou peu importe, dans son divan, devant son ordi, à écouter la télé, on dit, ben voyons, il est même paresseux, il perd son temps, va voir le monde. Tu sais, on est porté à voir ça vraiment comme un élément passif et négatif. Mais pourtant, ça a vraiment des bienfaits qui ont été ressortis à travers ces études-là que je trouvais très intéressants. En fait, premièrement, contrairement à la pensée populaire, ça nous fait socialiser. Là, on dit, ben voyons, t'es enfermé dans ton sol puis tu viens d'écouter 12 heures d'émission de suite. Oui, mais après, sur les réseaux sociaux, ce que ça va stimuler comme discussion, dans les corridors, à l'école, à la cafétéria, t'es au courant, tu fais partie de la gang. Il y a une réplique qui se dit, t'es capable de dire, ah oui, ça c'est dans telle émission et dans jaser. Ça l'a créé des communautés, ça l'a créé des sujets de discussion. Donc, au-delà de la température, ce qui s'est passé à la messe dimanche. Non, mais ça reste un des sujets de conversation les plus populaires. Puis souvent, justement, par les réseaux sociaux et les conversations de corridor, mais surtout les réseaux sociaux, tu vas être au courant de tout ce qui s'est passé, des gros punchs, de qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, 19-2, là. Tu l'écoutes pas. Mais non, je dis pas. Okay. Mettons, tu l'écoutes pas, mais juste par tes réseaux sociaux, tu sais qu'aujourd'hui, il y a une grosse émission, puis t'en as comme un semi-résumé. Donc, pour beaucoup de téléséries, plus tu tiens dans une communauté qui en écoute, plus t'es au courant sans les avoir écoutées. C'est ça. T'as les gros hints, t'as les petits bouts de vidéos qui donnent le punch, finalement. Mais c'est pour ça que t'as pas le choix de l'écouter tout de suite. Exactement, parce que là, ça a capté ton horrible. Attention. Non, parce que tu te fais tout spoiler. Ben, ça aussi. Steph a fait ça avec ses émissions. Ferme ton Facebook. Steph, avec ses émissions de recettes, elle fait attention de pas savoir la prochaine recette qui va être faite. Hein. C'est ça que tu fais. Ouais, tu tapes en rafale des Gordon Ramsay. Là. Ouais, c'est clair. Ah non, dis-moi pas ça. Puis dans les écrits, ce que ça disait, c'est que d'en parler autant, réseaux sociaux ou en direct, c'est vraiment devenu une épidémie. C'est quelque chose que on veut l'écouter parce qu'on en parle, on partage, on découvre des nouvelles séries, puis une mène à l'autre. Parce que tu as aimé un acteur dans une télésérie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir sa biographie, puis tu vas écouter toutes ses téléséries. Ben oui. À un moment donné, il devient un personnage secondaire dans une autre. Oh, mais je vais l'écouter quand même. Fait que tu sais, c'est ça, une mène à l'autre, et même avec Netflix, tu vois, avec tes types d'émissions, avec tes types d'intérêts. Quelle télésérie tu pourrais aimer? OK, d'abord. Ça dit tes amis aiment telle série. C'est sûr que si tes amis les ont écoutés, tu vas avoir quelque chose à leur dire. Tu vas écouter les séries de tes amis aussi. C'est ça, exactement. Sinon, t'as juste un peu hors d'amis. Ben, c'est ça. Puis t'en as plus, ben là, ça va peut-être t'enfermer dans ton sol pour te changer les idées et écouter plus de téléséries. Sinon, un autre élément positif qui ressortait autre que la socialisation, c'était vraiment le côté de s'échapper de son quotidien. En fait, on est habitué d'être surstimulé par l'information, d'être dans une réalité qui peut devenir aussi routinière et banale, dépendamment des gens. Sauf qu'on aime s'identifier à des personnages, on aime vivre à un autre rythme avec d'autres types de personnes qu'on rencontrera peut-être jamais dans notre vie, mais qui vont nous stimuler à vivre quelque chose d'autre que métro, boulot, dodo. Ouais. Donc, les gens aiment beaucoup, beaucoup s'identifier à ça et ça permet de décrocher tout en restant mentalement sain. Tu sais, ça reste une réalité plus proche de la nôtre que de tomber des fois dans des jeux vidéo qui sont dans un autre monde. Ça reste une réalité probable, même si ce ne sera pas votre quotidien. Mm. Même votre si Walking Dead, blablabla. On pourrait dire qu'il y a bien des gens qui... Il y a des séries très populaires qui sont très, très réalistes. Il y a des séries où c'est justement métro, boulot, dodo ou des téléréalités. Comme ça, les gens les regardent quand même. Puis les gens vont jouer à des jeux vidéo comme les Sims, qui sont vraiment juste leur vie. C'est vrai. Mais au moins, il se passe quelque chose de plus dedans. Et souvent aussi, c'est des éléments sur lesquels... Ben, plus vers les Sims, là, mais que tu as un contrôle contrairement à ta vie. Donc, oui, c'est ça. Les gens j'ai pas tout à le contrôle. Bon, t'as perdu le contrôle sur tes Sims. Mais il y en a qui réussissent à avoir leur contrôle sur leur village. OK. Bon. OK, d'accord. Un autre élément qu'on reconnaissait au gavage télévisuel, c'est la diminution du stress. Ouais. Donc, on se change les idées. Si j'écoutais pas de télésérie, je serais stressée. Je serais un méchant gros paquet de nerfs. Déjà, je suis stressée. Mais là, t'es pas stressée du tout, Steph. C'est correct. Mais ça diminuait le stress. Et de là, le petit clin d'œil de dire... C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants en fin de session qui procrastinent en écoutant des téléséries parce qu'à un moment donné, il y a un... OK, là, je prends du temps pour moi, je me calme, je décroche. On paye sur reset puis on repart. Exactement. T'as fini ton étude ou avant ton étude ou à la place de faire ton étude. Ou pendant ton étude, moi aussi. pendant ton étude. Mais ça reste un élément qui a été prouvé qui diminue le stress. Faire du lavage aussi? Ah, ouais. Pendant que tu étudies, c'est soudainement, tu as du lavage à faire, ça arrive tout le temps, ça. Puis un autre élément, ben c'est pas un autre élément en fait, c'est plus une espèce de conclusion wrap-up. C'est de dire qu'on est souvent surstimulé, comme je disais tout à l'heure, par l'information en général, puis qu'on a besoin, c'est un besoin d'être passif à quelques moments de notre vie. On est porté à se dire, faut toujours être dans l'action, faut toujours être super stimulé, mais à un moment donné, il faut savoir décrocher, il faut savoir s'arrêter, parce que c'est là que les gens pètent des burn-out. L'équilibre, c'est de ramener aussi du passif. On parle beaucoup de, dans la communauté d'être actif, de participer, que les gens veulent mettre la main à la pâte. Mais ils ont besoin aussi de revenir chez eux. Peut-être. OK, là, je prends une heure devant ma TV, ils décrochent. Donc, c'est un besoin, puis il ne faut pas le voir juste négativement, juste malsain, puis il ne faut pas viser à le couper. Et de là, je fais quand même un lien avec le loisir. Ben oui. Dans le cadre de ma chronique, le loisir bien plus qu'un jeu. En tant que responsable des loisirs dans différents milieux, il ne faut aussi pas oublier ce besoin-là que les gens ont d'être passifs, puis de le prendre en considération dans les différentes programmations. Au lieu de juste dire « Ah, ben on pourrait faire des compétitions sportives, on pourrait... » Ça peut aussi être « On se rassemble, puis tout le monde ensemble, on écoute un film. » Tu sais, des fois, c'est d'être ensemble, de socialiser, d'avoir du temps pour jaser, mais de relaxer, de pas nécessairement avoir à jaser, pas nécessairement avoir à se préparer, tu sais, comme si t'avais étudié ou une réunion à préparer, juste de décrocher. Décrocher. Exactement. Ah. Marie-Laurence, est-ce que je peux te demander quelle série t'écoutes sur Netflix en ce moment? Ben là, j'ai commencé Walking Dead. Oh! Je suis en retard parce qu'on n'est pas la première série. Non, mais j'avoue, mais tu sais, je suis aussi en retard pas mal beaucoup. Fait que, on se comprend là-dessus. Bon, on a chacun nos priorités. On ne peut pas toutes les écouter en même temps. Non! J'en écoute deux en commençant simultané. C'est quoi là? Juste deux? Ouais. Oui, mais là, arrête. Là. Moi, j'ai jamais été fan de télésérie. Je commence à accrocher. Ah ouais? Mais Mathieu, ça existe du monde de même. Non, je te juge pas. Moi, je suis genre à écouter un film et à m'endormir dessus. Je t'encourage à continuer. C'est la seule fois où je dors devant un film. Ah, mais moi aussi, mais les films, j'ai bien de la misère. Mais j'ai trop commencé long. Walking Dead. Ah, ben oui, puis t'écoutes 12 téléséries de suite. Mais c'est parce qu'ils ont chacun un générique. Oui. Chaque épisode. C'est ça c'est la fin. C'est vrai. Un film, c'est long parce qu'il n'y a pas de. Tu sais, moi, tu me découpes un film en demi-heure. T'as même pas le temps de. T'as pas une pause pipi. T'as pas le temps de développer le personnage. T'as pas le temps de t'attacher. Non, c'est ça. Moi, j'aime ça m'attacher au personnage. Puis dans un film, là, il s'attache, puis là, ça finit. Tu sais, il n'y a pas de pleurs. Ben oui, c'est des émotions. C'est le fun de sortir ses émotions des fois. Donc, Walking Dead et. C'est vieux, là, mais j'ai. Ça va, moi aussi, c'est des émotions. Six Feet Under, là. Six pieds sous terre. Je l'ai pas trouvé nulle part. Ça fait tellement longtemps que je veux l'écouter. C'est vraiment bon. Mais c'est pas sur Netflix. Moi, c'est que il est en rabais ou Archambault. Là, j'ai acheté la première saison. Dans le fond, c'est que je les avais commencé ici et là. Tu sais, j'avais vu quelques épisodes à un moment donné dans le temps. J'avais adoré ça. Mais là, je me suis dit, là, je vais suivre au complet la série. On va retaper. T'aimes ça? Wow. Ça va bien. Moi, j'aime vraiment ça. Good. Steph, série? Présentement? Oui. Y a Beauty and the Beast. Walking Dead, mais là, la saison est finie. Vikings, Game of Thrones, Arrow, The Flash. Ouais. Bones. Sinon, il y a le Québécois, tu sais que ça vient pas mal de finir, mais sinon, tu sais, il y avait 19-2, il y avait une T9. Une T9 aussi, c'est vrai, j'y suis. Puis là, c'est sûr, j'en oublie, là, on t'arrête de se retaper dans une galaxie près de chez vous. Là, on est rendu à saison 4, là, on finit, là. Mon Dieu, qu'il est bonne la saison 4. Incroyable. Wow. Fait que ça, c'est ce qui me vient en mémoire, là. Moi, je suis retombé dans The X-Files. Ah ouais! Étant donné le reboot qui s'en vient. Fait que toutes les émissions qui se rebootent en ce moment, le Full House, une de mes émissions de mon enfance qui revient, donc ça va revenir sur Netflix, c'est confirmé depuis aujourd'hui, hier. Fait qu'il va falloir que je me retape la série. Bref. Mais X-Files, c'est vraiment bon, j'ai fini la saison 1 récemment. On est en train de finir la saison 1, il reste 2-3 épisodes. Puis après ça, il y a juste comme 8 autres saisons. Fait que. Juste rien, là. 202 épisodes plus c'est 2. C'est qu'à partir de 4 émissions, t'es dépendant. Je suis un petit peu dépendant, je pense. Donc, merci, Marie-Laurence Audet. Un plaisir. On se retrouve pour une dernière fois la semaine prochaine. Exactement. Septembre. Donc, à Sondage Rocky qui termine la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marie-Laurence. Merci à vous. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Plongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On commence en parlant de sperme. Hein? Ça commence raide. Du sperme congelé importé de Chine pour inséminer un panda du zoo de Washington. Eh bien oui, le zoo national de Washington a fait parvenir du sperme congelé de Chine pour inséminer sa femelle panda géant Mix Xiang, déjà maman de deux pandas dans les... OK, ils vont faire ça dans les prochaines semaines. Kathleen Burrell de l'Institut de conservation biologique de l'Institut Smithsonian est rentrée dimanche à Washington avec du sperme congelé dans un institut du sud-ouest de la Chine. La semence a été prélevée sur Yu Yu un panda géant chinois de 9 ans qui n'a pas encore engendré, a expliqué le Zoo de Washington dans un communiqué mardi dernier. Les femelles pandas qui vivent en captivité sont connues pour les difficultés qu'elles éprouvent à tomber enceintes. Le zoo compte inséminer Meg Xiang lors de son prochain cycle austral, donc qui dure entre 24 et 72 heures. Il faut vraiment pogner la bonne braquette. À l'heure actuelle, 392 pandas géants vivent sous la supervision d'humains et les scientifiques espèrent pousser ce chiffre à plus de 500 individus. Mais Xiang a déjà donné naissance à deux oursons, dont le père est Tian Tian, le seul panda géant mâle du Zoo de Washington. En dépit des pressions croissantes sur leur environnement, la population de pandas géants à l'état sauvage en Chine a augmenté de près de 17% en 10 ans pour atteindre 1864 individus en 2013, selon des chiffres gouvernementaux. Ben, c'est une bonne nouvelle pour nos pandas. Un diamant parfait est adjugé à 22,1 millions de dollars à New York. Un diamant, ben ça ferait exactement un beau cadeau là, pour la Leroux, là, la PDG d'Hydro-Québec, pas d'Hydro-Québec. Ben, eux autres devraient se marier ensemble, là, par exemple. Là. Le PDG d'Hydro-Québec, par exemple, c'est un petit pauvre là, comparé à l'autre, là, la millionnaire, 3,5 millions par année. Hein? Et puis, elle va avoir une belle retraite. Hein? Je pense qu'elle va pouvoir se payer des biscuits soda, j'en suis sûr. Ce diamant de 100 carats a été adjugé mardi à New York pour la somme de 22,1 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé la maison d'enchères Sotheby's, acquise par un acheteur resté anonyme. Je pense que c'est Madame Leroux. La pierre de taille émeraude, émeraude, comparable à celle d'une noix, a été extraite par la compagnie de Beers. Beers en Afrique du Sud. Sa couleur est plus blanche que le blanc. Il ne comporte aucun défaut et il est si transparent que je ne peux le comparer qu'à de l'eau, a déclaré Gary Schuller, directeur de la joaillerie de Sotheby's à New York. Son prix de vente reste inférieur à celui du record atteint en 2013 par un autre diamant blanc, celui-ci de 118,28 carats adjugé à Hong Kong pour la modique somme de 30,6 millions de dollars. Hein? Bravo à vous, gens riches et célèbres. Ici, une Américaine découvre que sa mère biologique est en fait sa collègue de bureau. La Sonia Mitchell Clark et Francine Simon se recherchaient l'une et l'autre sans le savoir et se connaissaient et échangeaient régulièrement depuis longtemps. Connaît-on vraiment donc ses collègues de bureau? La Sonia Mitchell Clark, une Américaine de 38 ans, en sait désormais plus long sur la question. Cette habitante de Youngstown, dans l'Ohio, qui ignorait l'identité de sa mère biologique, a finalement obtenu une copie de son extrait de naissance, a recherché le nom de sa mère sur Facebook et a découvert qu'elle travaillait dans la même entreprise qu'elle. Les deux femmes se connaissaient et échangeaient régulièrement au sein de l'entreprise de télémarketing Info Scission. La mère, Francine Simon, travaille à l'accueil et la Sonia appelle alors Francis et lui lâche « Je crois que je suis votre fille. » Alors, l'histoire à peine croyable a été racontée par la chaîne de télévision WQBN TV. « Je suis toujours sur le choc. C'est formidable. » s'est exclamée Francine Simon. « Je suis tombée enceinte quand j'avais 14 ans et je l'ai eue quand j'avais à peine 15 ans. On m'a mise dans un foyer, je l'ai eue et j'ai eu le prise dans mes bras et je n'ai pas pu lui donner de nom, mais je lui avais donné un nom dans mon cœur toutes ces années. Les parents adoptifs de la Sonia l'ont toujours encouragée à retrouver sa mère biologique. C'est ce que raconte toujours la chaîne de télévision, sans se douter qu'elle retrouverait également trois sœurs dont l'une travaille aussi dans la même société, une entreprise décidément de plus en plus familiale. Belle nouvelle, c'est tant mieux ces retrouvailles, c'est parfait. Ici, quels sont les trois types de profils rencontrés sur Facebook? Eh bien oui, quelles sont les réelles habitudes des utilisateurs de Facebook? Quel genre de profil compose le célèbre réseau social? Pour le savoir, des chercheurs ont mené une enquête dont les conclusions viennent tout juste de tomber. Si tout le monde ou presque utilise Facebook pour partager, communiquer ou s'informer, nous sommes pourtant loin d'en faire exactement la même utilisation. C'est ce que viennent de découvrir des chercheurs appartenant au CNRS, le Centre national de recherche scientifique, à Linkfluence et Orange Lab, qui ont attentivement étudié les faits et gestes des utilisateurs de Facebook grâce au projet Algopol. Selon cette application qui a mesuré pas moins de 12 700 profils depuis décembre 2013, Facebook compterait au moins trois catégories d'utilisateurs qui n'utilisent pas le réseau social tout à fait de la même manière. Premièrement, il y aurait des utilisateurs actifs, également appelés des égocentrés, qui publient fréquemment sur leur page des photos ou encore des statuts afin de se mettre en avant et d'engranger le maximum de likes. Auprès de résultats obtenus par Algopol, cette première catégorie concernerait environ 15 % des utilisateurs de Facebook. Donc, c'est les égocentrés. Hein? La seconde catégorie se compose à 30 % des personnes plutôt désireuses de partager des publications sur les murs de leurs amis pour leur faire découvrir des nouveautés ou des vidéos. Quant à la dernière catégorie, également appelée celle des spectateurs, celle-ci concernerait en réalité la grande majorité des utilisateurs de Facebook. Ces derniers, qui représentent 55 % des utilisateurs du réseau social, se contenteraient le plus souvent de naviguer ou de scroller sur le site sans forcément y jouer un rôle déterminant. Et vous, quelle sorte d'utilisateur pensez-vous être? Ben moi, je dirais que je suis plutôt dans la seconde catégorie à 30 % des personnes plutôt désireuses de partager des trucs, de faire découvrir des pensées, des articles ou de peut-être un peu, comment on peut dire, conscientiser certains de nos amis. Hein, ça pourrait être ça. Sinon ici, mesdames, un petit gadget qui va peut-être vous changer la vie. Hein? Ben oui, vous allez voir. Moi, c'est parce que j'y ai pensé parce que ma copine en traîne souvent un élastique. Hein? Les filles qui ont des cheveux longs, toutes les filles donc aux cheveux longs ont expérimenté ce problème plus d'une fois. Oui, garder son précieux élastique à cheveux toute la journée sans perdre et sans interrompre sa circulation sanguine autour de son poignet. Hein? Souvent, on va les mettre n'importe où et où on va juste le perdre. Hein? Une question qui peut sembler à première vue dérisoire, mais qui est loin de l'être dérisoire pour la gente féminine. La solution est simple mais efficace. Il s'agit d'un bracelet porte-élastique. Donc, c'est un bracelet genre en or et puis un genre de groove. Un groove dedans, un genre de petit sillon. Hein? Je vais le dire en français. Il y a un sillon où... Dans le fond, le bracelet est là et puis on place l'élastique dans le petit sillon. Et puis quand on en a besoin, il est là. Donc, il vient jamais vous écraser. Le bracelet est plutôt en métal. Hein? Je trouve que c'est une très bonne idée. Puis ça fait un genre de bijou à la fois esthétique et pratique. Le gadget a été imaginé par la marque Bittersweet. Ce bracelet est disponible plaqué or ou rose ou même argent. Il est donc possible de le changer à sa guise et de l'adapter aux couleurs de ses tenues. Terminé donc les longues minutes passées à rechercher son élastique perdu et surtout adieu les marques autour du poignet quand on le garde trop longtemps. Beaucoup de produits sont déjà en rupture de stock, ce qui témoigne du succès de cet objet. Quant à l'histoire de la création de la marque, elle est bien tout aussi adorable que les bracelets en question. La fondatrice de la société, Sharon Tarr, explique que c'est son époux qui lui a offert un bijou de ce type. Pardon, je viens d'être choumé de façon magistrale. De ce type, après avoir remarqué les traces qu'elle avait autour du poignet à force d'y garder son élastique. Les meilleures inventions sont tout le temps faites pour combler un petit problème que l'humain avait. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée. Ici, un monstre marin très rare apparaît et disparaît en Nouvelle-Zélande. Assez particulier, hein? Donc, dans la série Monstres marins, voici le petit dernier, le Régalec, un poisson ruban de la famille des Régalicidés. Cet étrange poisson peu connu des scientifiques est sans doute à l'origine de nombreux mythes et a été retrouvé sur une plage du village côtier d'Aramoana en Nouvelle-Zélande avant de disparaître tout aussi mystérieusement. Donc, jeudi, le 16 avril, un habitant du village d'Aramoana a fait une étrange découverte, une carcasse de poisson longue d'environ 3 mètres, échouée sur les bords d'un marais salé. Le régalec, aussi appelé poisson ruban ou encore le roi des harengs, en raison de sa nageoire dorsale rouge et brillante, est encore un mystère pour les spécialistes du monde sous-marin. Connu pour se déplacer le plus souvent dans des eaux très profondes, à environ plus de 900 mètres, le régalec n'a que très rarement été observé dans son milieu naturel, à l'occasion de quelques montée près des côtes du monde entier. Sa présence sur les côtes de la Nouvelle-Zélande est donc une surprise. Comme l'explique David Agnew du département de la conservation de l'île, je le cite, « J'étais sur le terrain quand un habitant du village m'a appelé et m'a dit qu'il avait trouvé un étrange poisson pendant sa promenade matinale. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. » Il devait s'être échoué récemment. Il était encore très frais. C'était une étrange créature et à la place des écailles, il y avait une peau lisse comme du papier d'aluminium. Et si vous la touchiez, une couleur argentée se déposait sur vos mains. C'est ce qu'a rapporté David Agnew au Daily Mail. On est très rapidement venu me dire qu'il s'agissait d'un régalec dont je n'avais jamais même entendu parler. C'était incroyablement rare d'en voir un en Nouvelle-Zélande. Venu sur place prendre des photos, les chercheurs du musée Ontago n'ont malheureusement pas pu faire de photos, faute de matériel adapté et même emporter la carcasse. Un manque de moyens lourds de conséquences, puisque vendredi, la carcasse avait disparu. Impossible pour l'instant de savoir si elle a simplement été emportée par la marée ou récupérée par quelqu'un. Le poisson ruban est à l'origine de nombreux mythes sur les monstres marins, sans doute en raison de sa taille plus qu'impressionnante. Estimée généralement à 5 mètres, elle pourrait atteindre jusqu'à 17 mètres pour certains spécimens. La rareté de ce poisson et de son étrange apparence lui ont valu au fil des siècles et des légendes sont venues aussi le nommer de différents surnoms comme celui de poisson serpent. Depuis quelques années, cependant, les scientifiques ont réussi à capturer quelques images, notamment dans les eaux du golfe du Mexique. Allez voir ça, c'est vraiment particulier. Un régalec ou ce poisson ruban. Non, on n'en a pas vu souvent ici au Québec, ça je peux vous le dire. Sinon, tiens, une nouvelle grenouille réplique grandeur nature de Kermit. Kermit la grenouille dans Sesame Street. Mais sérieusement, elle y ressemble pour vrai. Donc, c'est des scientifiques qui ont découvert une toute nouvelle espèce de grenouille de verre au Costa Rica. Ses particularités, eh bien, sa couleur et son cri, mais aussi, surtout, ses deux grands yeux noirs et blancs qui en font une réplique plus vraie que nature du célèbre Kermit la grenouille. Donc, si les grenouilles de verre fascinent depuis longtemps, les scientifiques n'ont visiblement pas encore découvert tout sur elles. La preuve, une équipe vient d'identifier une toute nouvelle espèce, la Hyalinobactricium dinaea. Voilà le nom donné par Brian QBC, auteur de la découverte à cette petite grenouille verte, mais un peu transparente. C'est pour ça qu'on les appelle des grenouilles de verre. L'animal a été repéré dans la cordillère de Talamanca au Costa Rica et a pu être distingué par plusieurs caractéristiques. En effet, le spécimen diffère de d'autres espèces locales par sa couleur vert fluo ainsi que par le thème particulier de son cri. D'après le docteur Kubicki, eh bien, interrogé par le site costaricain de Tico Time, eh bien, ce cri ressemblerait plus à celui d'un insecte qu'à celui d'une grenouille. Les grenouilles de verre, qui forment la famille des Centrolenidae, oui, ne peuvent être observées que dans certaines parties d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Elles sont reconnaissables à la transparence de leur peau, rendant leurs organes visibles. Vraiment, là, les images sont extraordinaires. À l'heure actuelle, la raison de cette particularité demeure encore un mystère pour les chercheurs. La transparence de l'abdomen pourrait servir à pallier les effets néfastes des rayons du soleil sur leur organisme, mais cela aussi pourrait être une forme de camouflage servant à se protéger d'éventuels prédateurs. La nouvelle petite grenouille a été découverte à partir de 6 spécimens collectés dans 3 endroits différents, situés entre 400 et 900 mètres d'altitude. D'après la description faite, la grenouille mesurait seulement 2,5 cm de long, minuscule, et les photos montrent une ressemblance cocasse avec le célèbre personnage du Muppet Show, Kermit la grenouille. J'avoue, c'est pas Sesame Street, c'est le même créateur, là. Mais c'était dans le Muppet Show. La nouvelle espèce tient son nom donc de la mère du scientifique Janet Diane Kubicki. La découverte a ainsi fait grimper le nombre d'espèces de grenouilles de verre observées à 14. Outre sa ressemblance frappante avec Kermit, eh bien sa présence est, selon Brian Kubicki, un bon indicateur de la santé globale de l'écosystème dans cette région de la cordillère de Talamanca. Hein? C'est-tu pas des belles nouvelles? C'est le fun d'avoir comme ça des découvertes. Hein? C'est pas juste des espèces qui meurent puis qui disparaissent. On en découvre des nouvelles. Fait que ça donne un peu d'espoir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Comme on le fait à chaque semaine, les mardis, on aime ça manger quelque chose, boire quelque chose, on sait pas trop. On fait ça en alternance, des fois c'est Master Steph, mais plus souvent qu'autrement, tu sais. Mais on a quelque chose en bouche. On a quelque chose en bouche toujours. Plus souvent qu'autrement, c'est une grosse pointe en dressant.

Les testaments sont des documents publics au Royaume-Uni, mais c'est la première fois qu'ils sont ainsi mis à la disposition via un site Internet. Les documents originaux sont quant à eux conservés dans un lieu sûr. En décembre 2004, on apprenait l'existence d'un site Internet qui permettait d'accéder aux testaments de 41 millions de personnes décédées en Grande-Bretagne depuis 1858. Aujourd'hui, le site Find a Will, littéralement trouver un testament, fonctionne à plein régime. Il coûte soit 10 livres sterling pour accéder aux dernières volontés numérisées du défunt de son choix. La marche à suivre, eh bien, rendez-vous d'abord sur la toile, sur le site gouvernemental dédié. Le lien est là via la page Facebook. Et puis, entrez le nom et la date de décès de la personne concernée. Reste enfin à régler la note. Côté timing, comptez jusqu'à 10 jours ouvrables pour obtenir le document qui pourra ensuite être consulté pendant 31 jours. Aucune restriction. Les archives ne peuvent être publiées sans l'autorisation de la famille du défunt. Les inconditionnels de la princesse Diana y auront certainement laissé quelques pennies. 18 ans après sa mort, le souvenir de Lady Di continue d'alimenter les passions. Il suffit de voir avec quel enthousiasme la presse anglo-saxonne remue régulièrement le sujet. Thank God, hein? Ici, pas de révélation susceptible de faire trembler la couronne. En parcourant son testament, on apprend que l'ex-femme du prince Charles a principalement légué sa fortune, au montant de 20 millions de livres sterling, à ses enfants William et Harry, autorisés à en disposer depuis leur 30e anniversaire. Ah, tu sais, c'est un site français de France, hein? Il est écrit depuis leur 30e birthday. C'est ridicule. Ainsi que 50 000 livres sterling à son majordome Paul Burrell. On découvre également qu'en cas de décès, la princesse de Galles souhaite que sa mère soit consultée concernant l'éducation de William et de Harry. Enfin, on retiendra surtout que la folie ambiante autour du personnage de Diana n'est pas près de retomber. Autre figure à avoir agité la presse outre-Manche ces derniers jours, c'est l'ex-premier ministre Winston Churchill et l'écrivain engagé George Orwell. La mise en ligne de leur testament a suscité un vif intérêt. Pas de vague chez Sir Winston Churchill, qui a choisi de répartir son héritage estimé à plus de 266 000 livres sterling entre sa femme et ses enfants. Il a légué sa maison de campagne de Chartwell au National Trust pour qu'elle devienne un musée après sa mort. Il laisse également 100 livres sterling aux jardiniers. Enfin, n'essayez pas de rechercher le testament du père de Big Brother sous le nom de Orwell. Son vrai patronyme est en fait Eric Blair. C'est sous ce nom que l'auteur de 1984 donne ses dernières volontés. Pas de biographie écrite ni de service commémoratif comme Charles Dickens qui exigea d'être enterré sans tambour ni trompette de façon la plus privée possible. Assez intéressant, un site du genre. Allons se promener plutôt vers la Nouvelle-Zélande. Une serveuse s'est fait tirer les cheveux par le premier ministre. Sais-tu, après avoir calé une bière, parce qu'on a appris que le premier ministre d'Australie, de Nouvelle-Zélande, je pense, avait justement calé une bière il n'y a pas longtemps, pour faire parler le monde. On va aller voir ici la serveuse de Nouvelle-Zélande qui a plongé le premier ministre dans l'embarras après avoir révélé s'être fait tirer les cheveux par lui plusieurs fois, a expliqué jeudi qu'elle avait rendu ses faits publics par obligation morale. Amanda Bailey, âgée de 26 ans et dont l'identité a été révélée par la presse, travaille au Café Rosie de Parnell, une banlieue chic de Auckland où réside John Kay. Mercredi, la jeune femme avait raconté dans un blog marqué à gauche que le chef de l'exécutif avait tiré sa queue de cheval et au moins cela à 6 reprises lors de la visite au café, faisant fi de ses récriminations. C'était comme un tyran de cours de récréation qui tire sur les cheveux des filles pour les faire réagir en ressentant un sentiment de puissance. Le premier ministre conservateur a été contraint de s'excuser sans contester les faits. Il a cependant affirmé qu'il voulait simplement blaguer. Jeudi, sur le même blog, le dailyblog.co.nz, Amanda Bailey a expliqué qu'elle a raconté cette histoire parce que le public a le droit de savoir à quel point leur premier ministre peut mal se comporter. J'ai réfléchi aux conséquences disproportionnées que cela pouvait avoir sur mon avenir proche et plus lointain, mais j'ai pris la décision morale de mettre de côté mon sort personnel et de dire enfin la vérité. Il n'y a pas de honte à dire la vérité. Cette histoire a été abondamment reprise dans la presse internationale et a suscité un débat en Nouvelle-Zélande sur le comportement de John Kay. Les parlementaires de l'opposition ont qualifié le dirigeant de 53 ans de puéril et de bizarre, dénonçant une attitude indigne d'un premier ministre. Je pense que c'est vrai aussi, hein? Et ça finit, cette pittoresque polémique survient au moment où John Kay se rend en Turquie pour célébrer les 100 ans de la bataille de Gallipoli dans les Dardanelles et au cours de laquelle des milliers de soldats australiens et néo-zélandais furent tués. Hein? C'est-tu pas intéressant? Alors, on y va avec ici cette vidéo d'une adolescente américaine qui réserve une incroyable surprise à son infirmière. Donc, paralysée pendant 11 jours sans en connaître la cause, une jeune américaine a certainement trouvé la manière la plus adorable qui soit pour annoncer sa guérison à son infirmière. Alors qu'elle se dirigeait vers cette dernière en fauteuil roulant, l'adolescente s'est levée et a marché vers elle. Sous le choc, l'infirmière a alors poussé un cri de joie et s'est écriée « Mais merci mon Dieu, merci, merci » avant de fondre en larmes et de prendre la jeune femme dans ses bras. Cette vidéo a été publiée le 18 avril et elle totalise aujourd'hui, 5 jours plus tard, plus de 3,3 millions de vues. Et là, je vous le dis, puis ça doit être encore beaucoup plus, hein? C'est ce qu'on pense. Attends un petit peu. Publicité sexiste. La Belgique censure une campagne de pub de United Brand car elle est jugée trop sexuelle. OK. Donc, tu peux garder tes chaussures, mais n'oublie pas de remettre un pantalon et un T-shirt. D'après le quotidien belge Le Soir, voilà le message que le jury d'éthique publicitaire a envoyé à United Brand en réclamant la fin de sa campagne de « You can leave your shoes on ». Une référence, bien entendu, à la chanson de Joe Cocker « You can leave your hat on ». Tu peux garder ton chapeau, devenu mythique après la scène de striptease de Kim Basinger dans le film « 9 semaines et demie ». Donc, suite à une plainte de consommateurs, l'équivalent belge du CRTC, finalement, a mis fin à cette campagne d'affichage pour une paire de chaussures mettant en scène une femme nue, selon l'expression du soir. Vraiment, waouh, hein, toute une belle pub, une vraie belle pub. D'après le quotidien, le plaignant s'est inquiété de voir sur cette affiche placardée dans des lieux publics de grand passage, une femme paraissant jeune avec un visage exprimant la soumission, se couvrant mais en même temps séduisant quelque peu vague et exprimant un désir sexuel prononcé. Sérieux, là, il n'y a rien dans cette publicité-là, ça fait juste marcher et puis la compagnie United Brand, je pense qu'ils doivent tellement être content comme ça. Moi, je connaissais même pas cette marque. Et puis aujourd'hui, je la connais à cause de la polémique qu'a engendré cette publicité. Hein? Donc, la marque de sport de vêtements de sport United Brand a regretté la décision. Les jeunes d'aujourd'hui sont souvent confrontés à la nudité dans la société actuelle, a réagi Krish Vorgerten de United Brand. Nous avons tout fait pour que l'affiche ne soit ni vulgaire ni méprisante dans un respect total pour les femmes. En termes d'image, la chaussure devient plus importante que le vêtement. C'est cela que le message offre de cette campagne. Ce n'est pas la première fois que la Belgique s'en prend aux publicités trop suggestives. En mars dernier, l'autorité des standards de la publicité avait adressé un avertissement à American Apparel. Elle reprochait à la marque américaine de publier sur son site des photos de jeunes mannequins un peu trop sexy. Voir des publicités rétorquées quand elles sont jugées trop sexistes n'a plus de rien surprenant. En février, c'est Kazam, une entreprise britannique de téléphonie mobile, qui a été montrée du doigt pour son spot polémique qu'on peut aller voir via la page Facebook du Dîner de cons. Celui-ci mettait en scène une femme en petite tenue déambulant seule dans un appartement et s'admirant dans une glace avant de se mettre à repasser. Plus cliché, tu meurs. 8 plaintes ont été enregistrées à son égard, provoquant l'interdiction pure et simple de cette pub. En France, eh bien, la RATP, leur CRTC, avait accusé d'avoir refusé d'afficher fin 2013 la pochette du dernier album de Étienne Dao, où il posait en compagnie d'une femme seins nus. Elle s'était défendue en expliquant que la maison de disques lui avait fait parvenir une autre version de la pochette qui était moins suggestive. Sérieux, la pochette est magnifique. C'est dommage qu'elle ait été censurée, vraiment. Sinon, ici, quelles sont les personnes les plus influentes de tous les temps? Hein? Quelle personnalité passée ou encore présente a le plus d'influence sur le monde? Pour le savoir, des étudiants ont développé un logiciel qui établit la liste des personnages historiques auxquels l'humanité a le plus tendance à se référer. Qu'ils aient laissé leur empreinte depuis des siècles ou bien qu'ils continuent encore aujourd'hui à nous influencer au quotidien, certains individus ont marqué à jamais l'humanité. Philosophes, leaders, politiques, peintres, chanteurs ou sportifs, nombreux sont les personnalités auxquelles nous aimons nous référer. Nous aimons souvent nous identifier et nous référer. Si nous avons tous plus ou moins en tête notre petit classement personnel, des étudiants du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, eux ont essayé d'établir ce classement définitif des plus grands leaders d'opinion en se basant sur des données concrètes. Pour cela, ils ont mis au point un outil baptisé Pantheon qui permet de dresser des classements objectifs pour savoir Quelle figure historique, scientifique ou encore politicienne continue toujours et aujourd'hui de nous fasciner le plus? Dans ce classement arrive ainsi en tête le philosophe d'origine grecque Aristote, suivi de près par Platon ainsi que par Jésus-Christ qui occupe pour sa part la troisième position. À la sixième place, on peut également y découvrir l'artiste et inventeur Léonard de Vinci, dont l'influence sur les arts n'est plus à démontrer, ainsi que l'empereur romain Jules César qui occupe lui la huitième position. Si les philosophes et les penseurs occupent largement ce hit parade des personnes les plus influentes de tous les temps, à la 15e place, on trouve plus étonnamment la présence controversée quand même de Adolf Hitler. Si aucun Français ne parvient, selon le logiciel Panthéon, à se hisser en haut de ce classement, les noms de certains de nos illustres compatriotes n'en demeurent pas moins présents. Ainsi, dans la liste des Français les plus influents de tous les temps, arrivent bien sûr en tête et dans l'ordre de préférence les noms de Napoléon Bonaparte, c'est lui que je voyais tout de suite, Jeanne d'Arc et celui du philosophe René Descartes. Hein? Vraiment intéressant. Le Panthéon Ranking, là, ça, c'est-tu... ouais, tiens, on y va. Juste comme ça, y a le lien. Je vais le mettre sur la page Facebook du Dîner de con, mais dans l'article, il est déjà là. Donc, si on y va, il y a en première position Aristote, Platon en deuxième, troisième Jésus-Christ, Socrate, Alexandre le Grand, Léonard de Vinci, Confucius, Jules César, en neuvième, Homère, non, pas Homère Simpson, là. Homère le Grand, Homère philosophe, Pythagore en dixième, Archimède en onzième, Moïse en douzième, Mohamed en treizième, Abraham en quatorzième position, en quinzième position, eh bien, on l'avait dit tantôt, Adolf Hitler. Wolfgang Amadeus Mozart en 16e position, Charlemagne en 17, quand même. Tantôt, on nous disait pas, OK, je m'en ai dit, c'est pas un Français. Non, c'était un Belge. Donc, William Shakespeare en 18e position, Michel-Ange en 19e, Auguste en 20e position. Et là, on y va avec, en France, le premier Français, justement, c'est Napoléon Bonaparte. Ensuite, Isaac Newton en 22e, Albert Einstein en 23e, Christophe Colomb en 24e position, Jean-Sébastien Bach en 25e, Dante en 26e, Ludwig van Beethoven en 27e, Gautama Buddha, hein, le Bouddha en 28e position. Tiens, on va le faire jusqu'à quoi? 35, mettons, pour le fun. 29e position, c'est Cléopâtre, 7 reine d'Égypte. Martin Luther en 30e position. Et non, pas Martin Luther King, Martin Luther d'Allemagne. Galileo Galilei en 31e position. Hérode quand même en 32e. Paul de Tarse en 33e. Augustine of Hippo. Non, celle-là, je ne la connaissais pas. Et Euclide en 35e position. Si on va vraiment plus loin, je vais aller voir Mahatma Gandhi, on a parlé cette semaine, en 75e position. Est-ce qu'on a des artistes qui sont, mettons, plus contemporains? Parce qu'à date, ce qu'on a, c'est vraiment plus vieux, là. On a vraiment pas beaucoup de trucs dans le 20e siècle, mettons, là. En tout cas, ça continue. Si vous voulez aller voir ça, c'est le panthéon.media.mit.edu Ranking People All. Donc, depuis tous les temps. Et puis, on peut aller voir, là, il y en a, ça finit plus. Si on va, mettons, je vais aller vers les plus loin, là, on va avancer dans les pages pour le fun. Ah, il y a beaucoup de monde dans ce temps-là qu'on se met à moins connaître. Mais regardez, mettons, comme en 290e position, eh bien, c'est Charles Baudelaire. Et 291e position, eh bien, c'est nul autre que Saddam Hussein. Vraiment, leur top est très, très complet. Allez voir ça si ça vous intéresse de voir les gens les plus influents de notre univers connu, hein, de notre époque, et même les autres époques, depuis le début de l'humanité, devrait-on dire. On va aller parler de ces gens qui dépensent plus sur des expériences, seraient plutôt heureux que des gens qui dépensent sur des biens à consommer ou des biens à conserver ou à collectionner. Donc, le jour de paye est définitivement la plus belle journée de la semaine et il n'est pas rare que le compte de banque se vide plus rapidement que prévu. Genre après une heure là, qui est dans le compte, ouais, exactement. Eh bien, l'étude publiée par le journal The Journal of Positive Psychology démontre que les personnes qui investissent une grande somme sur des biens dévaluent leur valeur immédiatement après avoir reçu la facture. Les chercheurs de l'Université de l'État de San Francisco ont conclu que la plupart des gens savent que les souvenirs sont beaucoup plus importants que les possessions matérielles, mais ils se sentent coincés dans le cercle sans fin des tendances et de la demande. Les participants ont tout de suite regretté après avoir dépensé leur argent sur des objets plutôt que sur des expériences, car celles-ci rendre leur bonheur moins éphémère. Ah bon? Des chercheurs menés à l'Université de Cornell ont révélé que la génération Y ressent une certaine pression de la société à faire des achats extravagants. Ces personnes exhibent leurs possessions pour s'auto-promouvoir sur les médias sociaux et ainsi recevoir l'approbation de leur père. Donc, vous êtes mieux de vous payer un voyage que de vous payer une nouvelle voiture ou une nouvelle moto ou le nouveau iPhone ou la nouvelle iWatch. C'est ce qu'on comprend, hein? Le professeur de psychologie Thomas Gilovich travaille depuis longtemps à la relation entre l'argent et le bonheur. Selon lui, les choses que nous achetons nous rendent heureux et nous mènent au succès. Brièvement, les nouveaux biens sont excitants, mais nous nous y adaptons très rapidement. Il explique que nous avons beau nous identifier à des biens matériels, ceux-ci ne nous définiront jamais. À l'opposé, des expériences de vie comme des voyages ou des soirées entre amis qui font partie de nous, un être humain est la somme de ses expériences, conclut-il. Moi, je pense que c'est la logique même, hein, de posséder tout. C'est pas ça qui va vous rendre heureux, mais de vivre plein de choses. Par contre, ben là, hein, on va beaucoup plus évoluer. Ici, le concours Ultimate Guy a un transgenre en tête. Donc, Adrian Darling, un transgenre américain qui a de bonnes chances de remporter le concours Ultimate Guy, dont le gagnant fera la couverture du mois de novembre de Men's Health, le magazine dédié aux hommes le plus vendu aux États-Unis. En date du lundi soir, le jeune homme de 27 ans avait amassé plus de 47 000 votes du public, ce qui lui accorde une très bonne longueur d'avance de 36 000 votes sur son plus proche adversaire. Les internautes ont jusqu'au 21 juin pour pouvoir voter. Cette avance ne lui assure toutefois pas la victoire du concours. En effet, le vote du public ne compte que pour 10% de la note finale. Les membres du jury évalueront aussi la condition physique, le succès personnel, le style de vie, mais aussi comment le participant s'implique au sein de sa communauté. Très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, le Alien Spheres, sur Twitter, Abdian Darling et Facebook, eh bien, Abdian Darling est un activiste et un blogueur vidéo. Durant le processus de transformation visant à faire de lui un homme, il avait mis en ligne sur YouTube plusieurs vidéos où il parlait de son expérience, de ses succès, mais aussi de ses craintes. Sérieusement, là, il y a une photo avant-après de lui en fille et de lui en homme. Sérieux, c'est pas la même personne, mais pas du tout, du tout, du tout. Les yeux sont pas les mêmes. Il y a à peu près juste son nez et peut-être ses lèvres qui ont pas vraiment changé. Le reste, la forme de son visage, la forme de ses yeux, ses joues, tout a changé. C'est hallucinant. Et, il est aussi le créateur de la ligne de vêtements .5cc qu'il avait lancée afin d'amasser les fonds nécessaires à la chirurgie devant lui enlever ses seins. Quand sa chirurgie a été complétée, il a choisi de maintenir la production de ses vêtements et annuellement, il remet des milliers de dollars à Transgender Surgery Fund qui vient en aide aux transgenres hommes et femmes du monde entier. C'est-tu pas une belle nouvelle, ça, hein? Une belle nouvelle d'acceptabilité, sauf que c'est particulier que ce soit lui, à date, qui est le plus hot homme quand c'en est pas un de base à l'origine. Mais tu sais, hein? On a le droit à avoir nos choix. Un jeune homme se tatoue un Pokémon sur le ventre et l'affreux résultat devient viral. Et là, quand on dit un Pokémon, on peut penser à un Pokémon, mais non, c'est un barbeau atroce d'un faux Pokémon qui n'existe pas. Mais bon, c'est une décision qui a été prise sous les effets de l'alcool. Eh bien, des décisions comme ça peuvent parfois être regrettées une fois le soleil levé, hein? C'est justement ce qu'a vécu ce jeune homme lorsqu'il a découvert le tatouage le plus laid du monde sur son abdomen. En effet, après avoir ingéré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool mélangé à du Xanax, le jeune homme aurait eu la brillante idée de se tatouer lui-même une représentation du Pokémon Charmander. Sauf que Charmander, premièrement, il est orange, hein, et jaune. Lui, il l'a fait noir, tout simplement, et le bout de la queue, il a fait du feu. C'est juste ça. Donc, le tatouage complètement hideux est devenu viral sur les réseaux sociaux après qu'un de ses amis eut publié une photo de ce dernier sur Reddit. Rapidement, les internautes se sont emballés et en ont fait un véritable symbole. On peut maintenant retrouver cet affreux tatouage sur des chandails, des tasses et même sur des manicures, sur des bracelets. Vraiment, son dessin affreux fait le tour du monde. On en a fait des t-shirts, on en a fait de tout finalement. Vous le savez, hein, les internautes, quand ils partent sur quelque chose, là, y en a qui ont beaucoup, beaucoup de temps à perdre. Un couple surpris en plein ébat sexuel au Parlement russe, c'est à voir, c'est en vidéo. En quelques heures, la vidéo a été déjà visionnée plusieurs milliers de fois. Après avoir remarqué la lumière en pleine nuit, un homme a décidé de pointer sa caméra sur la fenêtre d'un bureau du Parlement russe. Grâce à son zoom, eh bien, le vidéaste amateur a pu découvrir qu'un couple était en train de s'adonner à une petite pause coquine. Contacté par la presse, eh bien, les officiels russes n'ont pas souhaité faire de commentaires. Niette. Sinon, Kylie Jenner Challenge, c'est quoi ça? Eh bien, c'est le nouveau jeu dangereux qui envahit les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, le Kylie Jenner Challenge envahit les réseaux sociaux et inquiète. C'est une mode qui séduit de nombreuses adolescentes qui consiste à recréer la bouche pulpeuse de Kylie Jenner, la petite sœur de Kim Kardashian. Pour ce faire, les jeunes filles ont trouvé un moyen dangereux. Elles utilisent un verre ou une bouteille en plastique afin de faire gonfler leurs lèvres grâce à un effet de succion. Non. Une pratique qui n'est pas sans risque puisque le Kylie Jenner Challenge a déjà fait de nombreux blessés. Si la succion est trop longue, un hématome peut se former et dans certains cas, la lèvre peut carrément exploser. C'est une bonne idée, hein? On veut se faire des belles grosses lèvres pulpeuses puis on se retrouve avec les lèvres fendues. On voit justement une fille on voit vraiment une jeune fille qui l'a fait, qui a abusé. Et puis là, elle a la bouche complètement ensanglantée. C'est hallucinant, mais pas hallucinant du bon bord. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.